Indice compris entre 2 et 4, 5 à Paris, Reims et Poitiers. Un débat musclé cette nuit, Clinton versus Trump, acte 2 pour la conquête de la Maison Blanche. Les deux candidats se sont rendus coup pour coup et ne se sont même pas serré la main avant le débat. C'est une première dans l'histoire des élections américaines. Pas vraiment de fond, mais beaucoup de polémiques. La démocrate accuse le républicain de sexisme, alors que lui rappelle que Bill Clinton a de nombreuses maîtresses. Pire encore, il compte saisir un procureur s'il est élu pour enquêter sur l'affaire des mails privés qui avaient fuité. Le milliardaire a carrément estimé que la place de sa rivale était en prison. Alain Juppé qui a accentué son avance pour la primaire de la droite et du centre. Le maire de Bordeaux obtiendrait 42% des voix au premier tour, un résultat qu'il mettrait bien loin de Nicolas Sarkozy, crédité de 28%. Alain Juppé gagne 3 points de plus que les derniers sondages réalisés à la fin du mois de septembre. Le bilan qui continue de s'alourdir en Haïti après le passage de l'ouragan Matthew. Les autorités évoquent désormais 1000 morts. Les besoins en eau et en médicaments sont considérables. L'épidémie de choléra est maintenant crainte partout. Des appels aux dons ont été lancés. Un policier entre la vie et la mort, le gardien de la paix âgé de 28 ans a été victime d'une attaque de cocktail de Molotov. Ça s'est passé samedi à Viry-Châtillon, en région parisienne. L'adjoint de sécurité est brûlé à 30%. Il a été plongé dans un coma artificiel. La présence policière a été renforcée dans le quartier de la Grande Borne où les incidents ont éclaté. Un colloque aujourd'hui au Sénat sur la légalisation du cannabis. Un sondage réalisé par Ipsos est publié pour l'occasion. 84% des personnes interrogées estiment que la législation actuelle ne sert à rien. Plus d'un Français sur deux s'estime favorable à une vente sous contrôle de l'État pour mettre fin au trafic. Un quart des sondés reconnaît avoir déjà fumé un joint. Du foot avec le retour des Bleus ce soir sur le terrain. Les hommes de Didier Deschamps se déplacent à Amsterdam après la victoire 4-1 contre la Bulgarie vendredi soir. On joue toujours dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2018. Le duo GG Griezmann-Gamero nous a bien fait kiffer. Sera-t-il de retour dans quelques heures contre les Pays-Bas? Premier ex-aequo avec nous du groupe A. On aura très vite la réponse. Rendez-vous dans la Radio Libre pour suivre tout ça. Coup d'envoi 20h45, hier soir, l'Algérie et le Cameroun se sont neutralisés. Un but partout. L'Espagne a dominé l'Albanie 2-0. Courte victoire de l'Italie 3-2 face à la Macédoine. Et voilà. Merci, une petite Macédoine dès le matin. Bon, bah merci Rémi pour les infos. Bah ouais. On te retrouve tout à l'heure. À en tout direct à l'heure. Avec nous. C'est parti pour le morning. Il est 6h du matin. Et à 6h du matin, qu'est-ce qu'on dit, Romano? Eh bien, bonjour. Eh bien, oui, mais qu'il est fort, dès bravo, le début man. De ce morning, c'est la folie. Pour bouger, à chacun son moyen de transport. Difool est en Ferrari, Romano est à cheval, enfin, plutôt un poney. Cariole est dans les transports, et Cédric, il se déplace en camion poubelle. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Ouais, pour les trois premiers, c'est faux, hein. Le poney, les transports qu'en cariole, elle est phobique. Ouais. Et moi, la Ferrari, je l'ai pas encore. C'est vrai. Sinon, Cédric, le camion poubelle, c'est vrai. Le camion poubelle n'est pas arrivé ce matin. Non, pas ce matin. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour cariole. Bonjour. Bonjour Karim. Salut. Bonjour. Salut. Sam. Bonjour Romano. Bonjour, bonjour. Et Rémi qui est là pour les infos toutes les demi-heures. Ouais, ouais. On le avec nous. Et un bon réveil à vous tous et à vous toutes surtout, hein. Merci d'être là ce lundi 10 octobre et on va démarrer avec une grosse nouveauté. Le nouveau Soprano, Soprano d'ailleurs, il est ce soir où? Dans Planète Rap. Eh bien oui, bien joué, dans Planète Rap. Il n'y avait rien à gagner à ma question, hein, mais tout le monde s'est jeté sur le micro, c'est bien. Dans Planète Rap, Soprano à retrouver. Et avec un Soprano en direct de Marseille, ce sera vendredi, en direct du Vélodrome à Marseille. Vendredi soir, ce sera à pas louper cette histoire-là. Bon, sinon, on vous souhaite une bonne journée avec au programme, et même une bonne semaine, on en profite, on est généreux aujourd'hui. Tiens, bonne journée, bonne semaine. Au programme, tiens, un truc qui va t'intéresser, Romano, le business des stars. On en reparlera à 6h20 tout à l'heure avec les stars. Votre PS4. Oui, les stars et leur argent. Les stars et leur business et les stars et leurs produits dérivés. Ouais. Oui, parce que les stars vendent des trucs, vous allez voir. Ah. Ils vendent même n'importe quoi, mais on s'en occupera tout à l'heure avec un premier invité mystère à découvrir. PS4 Slim a gagné vos ouais. iPhone 7 tout à l'heure et vos 1 500 € à n'importe quel moment du morning. Vous le savez, c'est toutes les demi-heures, vous pouvez gagner de l'argent. Il suffit de répondre Skyrock dès qu'on vous appelle. Et écoutez bien Elodie, elle a gagné 1 500 €, Elo. C'est la radio Elodie au téléphone, on est en direct à la radio. C'est pas Skyrock quand même. Bah ça je peux pas te dire parce qu'on va faire un jeu là. On va te demander, on va te poser une question, on va te demander quelque chose et il faut répondre pour gagner 1 500 €. Ta radio préférée Elodie? C'est Skyrock. T'as gagné 1 500 € Elodie. Bravo Elodie, bien joué. Ah, vous êtes sérieux? Mais oui, ouais. C'est marrant parce qu'au début elle n'y croyait pas Elodie, vous avez remarqué, ouais. Hein. Bon, après, elle a crié. Explosion de joie. Et elle a bien gagné 1 500 euros. C'est tombé en Bretagne chez Elodie. Et ça tombera peut-être chez vous tout à l'heure à 6h30. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire au 7-20-20 si vous voulez gagner 1 500 euros et augmenter vos chances de gagner. Ouais. Vous envoyez 1 500 au 7-20-20 et c'est 1 500 euros pour vous. Bon, comment s'est passé le week-end? Très bien, merci. Ça va. Très bien, vous avez fait quoi ce week-end? Rien. J'ai regardé Zootopie. Rien aussi, ouais. Tu as regardé quoi? Zootopie. Zootopie. Un dessin animé. Je sais, c'est un dessin animé. Ça t'a plu? Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal, très bien. La semaine prochaine, il va regarder Blanche-Neige et les Sept Nains. Et puis tout le reste aussi. Bah, hein. Oui, hein. Bah ouais. Un par week-end. On va démarrer avec le nouveau Soprano. Soprano, Mon Everest, c'est aussi le nom de l'album. Et c'est le son qu'on va écouter tout de suite. Et ben, il faut se lever tôt pour écouter les exclus sur Skyrock. Le nouveau Sopra, vous le découvrez avec nous. Dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs, hein, sur le 41-759. Vous pouvez nous laisser vos messages. Bonjour à Cortez, à Gizmo qui vient de se réveiller. Bonjour à vous. Bonjour à Johan qui se réveille aussi avec nous. Bonjour Jules du 02. Salut Jules. Bonne petite tournée sur ton vélo de facteur, Jules. Ouais. Et bonjour à Léa et à Cédric aussi qui nous laisse un message. Bon, c'est parti, Soprano. Je ne fais pas attendre plus longtemps. Hein. Non. Allez 6h03. Allez. Soprano, c'est le nouveau. C'est sur Sky. C'est Mon Everest. En direct de 6h à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. J'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Jamais j'oublierai d'où je viens, je sais ce que c'est d'être un homme de couleur. Je sais ce que c'est de taffer deux fois plus pour pouvoir être à la hauteur. Si je chante la cosmopolitanie, c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. On m'a dit petit, réveille-toi, t'es un peu trop rêveur. Petit, tu as un trop gros appétit, la réalité est fade et sans saveur. Oublie tes rêves d'ado, comme tout le monde suit le troupeau. Mais le têtu que j'étais avait de la détermination, plein le sac à dos. Aucune de leurs dissuasions m'a mis le genou à terre. Aucun médecin au monde ne pouvait soigner ma fièvre. Tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand t'assumes qui tu es. Aujourd'hui, regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de mon Everest. J'ai chanté l'amour et la paix pendant des années. Je suis ce mélancolique qui se soigne quand ces MAU qui se mettent à rimer. Un rappeur positif pour donner de l'espoir à cette jeunesse désabusée. À l'heure où on nous braque avec un AK-49.3 pour nous faire plier. Ma famille, tout roule pour moi car ce sont mes moteurs. Mon carré vif, c'est mon cercle familial, pour eux je brillais avant les projecteurs. I love you Comoria, I love you Massilia. Mon image, mon discours, mon parcours, mon combat, tout ça c'est pour pouvoir leur faire honneur. Le cancer m'a volé un frère, il n'y a que mes gosses pour éponger mes pleurs. Toujours debout à chanter que l'amour est le meilleur fusil contre la terreur. Je le décharge quand je chante, dans une MJC ou dans les restos du cœur. Je suis de retour plus humain que jamais, envoyez-moi des sourires plus que des fleurs. Who's the comme un soprano qui chante. Il s'est pas coupé les sopranos et l'Everest. C'était Marina Kaye que vous entendez, la fille qui chante avec lui là. Un extrait de son album qui va sortir et que vous découvrez d'ailleurs ce soir dans Planète Rap à partir de 20h. Et une émission spéciale en direct du Vélodrome, ce sera vendredi dès 20h aussi. Donc semaine soprano, 20h, 21h. Planète Rap à pas louper. Bon, je vois que c'est la grande forme ce matin, ça fait plaisir. On a démarré avec ça, soprano. Oula. Et oula. Bah en même temps, mon soprano, c'est pas le truc qui te réveille quand même. Mais c'est fait pour. C'est pas le titre le plus vif qu'il ait fait, quoi. Une tuerie pour Johan du 59 là, qui va nous laisser un message là. Soprano, j'adore. Nouvel album. Oui, c'est ce soir. Eh oui, point d'interrogation, nouvel album ce soir à découvrir. Soyez là dans Planète Rap. C'est pour notre soirée. Ça démarra à 20h avec Fredo, puis nous on sera là à 21h évidemment. Bon, est-ce que le beau Donald Trump a réussi son débat? Est-ce que la belle Hillary Clinton, vous savez, celle qui ressemble à un extraterrestre, a réussi son débat? Vous est-ce en saurez plus. Elle n'est pas tombée dans les pommes. Est-ce qu'elle est tombée dans les pommes? Est-ce qu'elle a fait un malaise? Vous en saurez plus tout à l'heure avec Rémi dans les infos. On a un gros match aussi ce soir à suivre. C'est le match des Bleus. Allez, il va s'en passer des choses cette semaine. Je sens que la semaine a bien démarré. Et puis, pour démarrer la semaine, un réveil de star. Je n'en ai pas parlé du réveil de star. Il est 6h09. Il est temps d'aller faire un tour chez notre star du morning. Le voici, le voilà. Bonjour. Bonjour Nikos. Ça va fils? Ça va papa. Il m'appelle fils, il m'appelle papa. T'as déjà t'en rencontré? Moi aussi Nikos, on s'est déjà vu sinon. C'est vrai que t'as un surnom? Oui, c'est Eddie Fool qu'on m'appelle, mais bon, il est sympa ce Nikos. Nikos et The Voice. The Voice, ça y est, c'est fini. Ouais. C'était la finale. The Voice Kid, oui, qui a gagné. C'est qui? C'est la plus petite. La plus petite? Elle a 8 ans. Oh, elle est petite. 8 ans. Encore plus petite alors. Justement, ils lui ont demandé sur le plateau parce qu'elle a commencé, elle avait 7 ans, maintenant elle en a 8. Autant pour moi. Vu que ça dure tellement longtemps. Mais toi, il va en avoir 18, elle sera toujours dedans. Tu démarres The Voice, tu es mineur, tu finis The Voice, tu es majeur. C'est pas mal. Allez, The c'est Voice. Manuela, c'est ça, Manuela. Manuela. Si t'as regardé, tu peux savoir. Manuela, Merci. Alors, ça, c'est dégueulasse qu'elle ait gagné, mais bon. Pourquoi? Parce qu'elle chantait plus mal que les plus grands. Non, mais bon, elle était mignonne, tu vois, elle avait 8 ans, mais il y avait une qui chantait mieux qu'elle. La pauvre, elle s'est fait baiser parce qu'elle est toute petite, elle. Et voilà, c'est la toute petite qui a gagné. Elle est toute petite, tu lui manques des dents, les gens ont trouvé ça mignon, ils ont voté pour elle. Bah écoutez, très bien, ça dit donc. Si vous voulez gagner une émission de télé-réalité, faites-vous casser les dents. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, elle les a pas, elles sont pas encore poussées, elles. Bon, 6h10, c'est l'heure du réveil de Star. Nikos réveille les familles ce matin. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de Star sur Skyrock. Et ouais, Nikos qui va réveiller la famille de Christian ce matin. Bon, j'espère qu'il y aura sa femme, parce que Nikos, toute la famille l'aime bien. Oui. J'espère que toute la famille va participer. C'est parti, Christian, Nikos, réveil de Star. Bon, nous, on se réveille, les stars aussi. Et Christian et la famille aussi. À 6h10, c'est parti. Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Ça va, fils? Oui, et vous? C'est un plaisir de te rencontrer. Ah bon? Il paraît que t'as un surnom. Ah, mon surnom, c'est Philippe, c'est... Philippe. Moi, je crois que si. Bah, c'est qui, là? Et je suis un jeune animateur sur TF1. Ah, je te passe ma forme, parce que là, j'y connais rien. Ouais. C'est pour ça que... Oui, allô? Allô, allô? Il y a de là dans le tuyau? Un jeune animateur de TF1. Allô. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, c'est de la part de qui? C'est Nikos. Nikos. D'accord. Tu regardes The Voice Kids, m'a-t-on dit? Oui. Tu sais que ce soir, t'auras quelques millions de gens qui vont te regarder à la télé? Des millions de personnes. Pourquoi? Est-ce que ça te dirait de monter sur la scène, de chanter face au coach? Oh bah oui, pourquoi pas. Faut apprendre, hein. On n'est pas des stars, hein. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Oh, moi je suis toute musique. La chanson française, c'est ton truc? Bah bien sûr. Tu les connais toutes les chansons de Balavoine? Ah oui, Balavoine, pas toutes, mais bon, j'en connais quelques-unes. Tu chantes quoi ce soir? Si, ah oui, je vais tout casser. Si vous touchez aux fruits de mes entrailles, fallait pas qu'elles s'en aillent. Oh. Voilà, c'est ça. Je connais ça. Après je me souviens plus. Je suis pas... Tu chantes super bien, bravo. Ah ben merci. Et surtout, à mon avis, quand tu vas rentrer au village, tout le monde va te recevoir comme un héros. Ah bah oui. Ah oui, le héros, ouais. Laisse-moi t'aimer. Ah lui, il chante du My Bank, là. Waouh. Wow. Allez, vas-y, tu chantes. Laisse-moi t'aimer. Toute une vie. Laisse-moi t'aimer. Avec toi, le plus beau de tous les voyages. On est très impatients de te rencontrer. Ah bah ça c'est moi sûr. Aussi. D'ici là,

24K Magic. Et le 24K, c'est du 24 carats, je crois, Romano. Waouh. J'ai réfléchi parce que je me suis demandé qu'est-ce qu'il veut dire avec 24K. Ah, ça doit être ça, ouais. C'est possible que ce soit du 24 carats. Un morceau que tu vas encore plus apprécier, toi qui aimes tellement l'argent. Ouais, bah ouais, 24 carats, ça va. T'aimerais qu'on t'offre un diamant 24 carats? Ouais, 24 carats, c'est un peu gros, mais T'as pas bien. C'est un peu gros. Moi, je les taille en plusieurs. Ouais. Voilà, t'en fais plusieurs après. Bon, on écoutera Bruno Mars avant 6h30. Puis là, on a Ken Jones qui arrive. Mais tout de suite, notre invité mystère. Un invité mystère rappeur que vous avez découvert sur Skyrock. Pas facile ce matin, on va parler du business des stars. Ah. L'invité mystère. L'invité mystère. What? Alors écoutez bien, c'est un rappeur qui passe sur Skyrock, bien sûr, qui passe depuis un petit moment sur Sky, mais qui est-il ce rappeur? Écoutez bien. Wesh, wesh, wesh. Wesh, wesh, wesh, à toi aussi, ami rappeur mystère. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, à toi aussi, ami rappeur mystère. On est levé tôt hein, ce matin. Hein. Ah, c'est chelou. Ah bah c'est chelou, nous c'est tous les matins comme ça. Bon, qui c'est? Vous avez reconnu? Si vous avez une petite idée, non, c'est pas Black M. Non, c'est pas Maître Gims non plus. Ah, attention, si vous avez une petite idée, au 41-759. Non, Xavier de Nantes, non, ce n'est pas Ribéry. Ah oui, Xavier, ce n'est pas Ribéry. Ah non, non, non. On a dit rappeur, pas rappeur dans sa voiture ou rappeur dans les vestiaires. Hein. Oui, un rappeur, un vrai rappeur. Un ouais. vrai ouais. de vrai, avec une tournée Skyrock et tout et tout. Skyrock hein. premier sur le rap. Ah, exactement, Skyrock premier sur le rap. Vous l'avez reconnu, bah, allez-y, proposez hein, si vous ne l'avez pas reconnu. Si vous l'avez reconnu, alors envoyez vite, vite, vite un message au 41-759 ou alors sur l'appli Skyrock. Je vois que vous allez galérer. Hein. Je vois du Jul, je vois du Niska, du Youssoufa. C'est ni Jul, ni Niska, ni Youssoufa, du Orelsan aussi. C'est pas non plus Orelsan, c'est pas Rof, c'est pas MHD, et on va voir toute la playlist de Skyrock là. Bon, vous nous dites 41-759, skyrock.fm, vous laissez bien votre numéro, et dans un instant, on va parler du business de notre invité mystère, de notre ouais. rappeur mystère ce matin, et puis des célébrités qui ont des produits dérivés. Alors, on a des produits dérivés qui déchirent. Vous allez voir, on a du Justin Bieber, du Miley Cyrus qui se fait du business aussi avec son nom, du Snoop et tout le reste. Alors, restez bien dans le coin, on en parle tout de suite sur Skyrock, il est 6h20 pile. La saga des places de concert continue sur Skyrock. Après Maître Gims, et Soprano, c'est Soprano. Skyrock t'offre les 4 concerts de Jul. Jul, c'est Jul en concert Skyrock à Marseille, Amnéville, Nantes et Paris. Jul en concert avec Skyrock. Et écoute Skyrock toute la journée. Et envoie roulette par SMS au 72020 pour gagner Jul en concert dans la ville de ton choix. Je suis fier de mon parcours, je suis pas le brigandé. 200 places de concert Jul sur Skyrock. Vous déchirez, merci beaucoup. Skyrock, premier sur le rap de Jul. 65 centimes plus coût du SMS. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW. Jusqu'au 25 novembre, profitez de l'expertise du réseau après-vente BMW à prix préférentiel sur les pièces de freinage, la vidange et les balais d'essuie-glace. L'entretien de votre BMW mérite un expert BMW. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 25 novembre sur une sélection de modèles chez les réparateurs agréés BMW ou sur BMW.fr. Bon, à la Banque Postale, ils ont étudié votre tendance à garder votre chère vieille voiture. À la Banque Postale, ils ont aussi étudié qu'elle vous coûte quand même plus cher que vous ne l'imaginiez, hein, parce qu'elle demande beaucoup d'entretien, cette chère vieille voiture, hein? Heureusement, à la Banque Postale, quand ils étudient, ils agissent. Alors jusqu'au 5 novembre 2016, profitez de leur bon taux sur le prêt personnel auto et en route pour financer votre nouvelle voiture. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Capture, le crossover bien campé sur ses appuis. Capture, soutenu par EasyPack à partir de 189€ par mois sans apport. 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre pack tout inclus pour Capture Life Energy TCE 90. LLD 49 mois, 40 000 km maximum si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 novembre dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Heures, 9h. The morning show. Hola. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson

la brosse à dents Justin Bieber. Wow. Vous voulez une brosse à dents Justin Bieber? Quoi de mieux pour bien démarrer sa journée que de se brosser les dents avec la super brosse à dents musicale Justin Bieber? Ah, parce que c'est sa saloperie, elle chante. Oui, elle chante. Elle fait baby, baby, ouh. Voilà, tu as cassé en deux, elle fait plus baby. Donc tu te brosses les dents et ça chante du Justin Bieber. C'est pas mal, hein. Et Nekfeu, du coup, on n'a pas dit, il fait si, quoi lui? Marc de fringues, Nekfeu. Ah d'accord, ok. Et ouais, une ligne de vêtements avec le mot égérie floqué dessus. Ah oui, voilà, c'est ses titres, ça. Ouais. On va vous mettre ça sur les réseaux, comme ça vous pourrez voir les fringues de Nekfeu. Si vous voulez des boules de Noël, qui a créé ses propres boules de Noël? Snoop Dogg. Non, elle aime bien ses boules. Hein? C'est Miley Cyrus. Ah! Et ouais, elle est très fière de ses boules de Noël, Miley Cyrus. Offrez des boules de Noël, Miley Cyrus. Ah oui, ah oui, bah mais oui. C'est les boules comme dans le clip là où elle était à poil sur la grosse boule là. La même chose. David c'est Beckham, bien, c'est familial en plus. David Beckham, lui, allait très très loin puisque lui a décidé de vendre sa tête à du papier WC. Donc il y a la tête de David Beckham sur du papier toilette. Tu peux t'essuyer avec la tête de David Beckham. Ouais, le mec est prêt à tout quand même. Oui, prêt à tout pour gagner de l'argent là quand même. Hein. Même à se retrouver dans la merde. T'as vu un peu? Ah ouais ouais. Eh, pas mal. Le nez dedans. Le nez dedans. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui. Snoop Dogg. Alors Snoop, qu'est-ce qu'il fait? Bah de l'herbe lui. Eh bien non, il a créé son propre GPS. Ouais, mais il a aussi une marque d'herbe. Oui aussi, oui. C'est vrai. Ah, il a investi depuis que c'est légalisé aux States. Pour lui, c'était le plus beau jour de sa vie. Voici le GPS Snoop Dogg. Turn right, then bear left. Yeah. Yeah, just like that. Marrant. C'est marrant comme GPS, ça change des voix un peu synthétisées. Ouais. Tournez à droite. You have reached your destination. Merci. Thanks for the ride, man. I had the time of my life. Ooh, oui. Oh oui. Oh oui. Et Pharrell Williams, il a fait quoi, Pharrell? Putain, je sais pas. Des chaussures. Des chapeaux. Non. Des habits. Non. Des godes. Il aurait pu faire des habits. Bah, non. Déjà, il a une marque, Billionaire Club. Ouais, si, ouais, il a une marque. Il a créé les capotes Get Lucky. Eh ben voilà. Bonne chance. Ouais. Bah oui, parce que tu es content, tu mets la capote Pharrell et t'es content comme tout. Voilà donc ce qu'on peut acheter chez les stars. Mais le GPS avec la voix de star, il y en avait un qui était sorti en France avec l'imitateur de. Jacques Chirac. Ouais, il y avait Chirac et il y avait le Gaulle, la chauve, Barthez. Barthez. Ah ouais? Ouais. Mais si, on en avait parlé, mais ça, je me rappelle plus, dis donc. Si, on en avait parlé. Vous voyez, Snoop, il a rien inventé, ils inventent rien, les Américains. Non. Bon, la PS4, on l'envoie donc direction Bordeaux pour ce matin. Bonne journée à toi, Maxence. Et reviens. Merci, bonne journée à vous. Merci. Et reviens vite quand tu veux. Et bravo pour la PS4 Slim. Et bravo pour la PS4 Slim. On écoute Bruno Mars dans un instant sur Skyrock. Alonso tout de suite avec Binta. Et les infos arrivent avec Rémi. Dans les infos, le débat de la nuit. Le grand débat américain entre la belle Hillary Clinton et le si beau chevelu, le magnifique Donald Trump. Tu nous dis tout, Rémi, hein, dans un instant. La météo aussi, hein. Faites gaffe, il est juste très froid ce matin. Binta dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a pris de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les ans sous son plat. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scores. Comme Marseille, y'a pas d'amour, lui veut la pendaison comme ça. Soleil de minuit, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta. C'est forme animale, te donne la dalle. Toi, comme un chasseur, tu voudrais la battre. T'auras du mal, la petite est maligne, elle va te dépouiller, ça y est, elle est là. C'est forme animale, te donne la dalle. Toi comme un chasseur, tu voudrais la battre. Ma, ma, elle va te dépouiller, ça y est, elle est là. C'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les ans sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scores. De Marseille, y'a pas d'amour, lui veut la pendaison comme ça. Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, sur Skyrock. C'était Alonso. Alonso à 6h32 sur Skyrock. C'est l'heure des infos et dans un instant, Romano nous amène à Amsterdam. Bon voyage le lundi matin sur Sky. Direction Amsterdam pour les Bleus. Et pour mon business personnel. Ah, je pense d'ailleurs même que tu peux le mettre dans le sens inverse. Pour ton business personnel et accessoirement un peu pour les Bleus aussi. Non, mais c'est pour ça que je vous fais ce conseil pas cher. Pays-Bas, France ce soir. Ouais. Direction Amsterdam, les produits locaux. Pour les familles françaises. Très bien. Je me lance dans l'importation de produits locaux. On va voir de quel produit local tu nous parles. Peut-être des tulipes. Ouais, évidemment. Et le fromage. Et du fromage. Et peut-être des hamsters aussi. Peut-être. Oui, c'est ça, Amsterdam. Aussi. Le nouveau Bruno Mars arrive dans un instant sur Skyrock. C'est 24K Magic. Le son de Bruno Mars juste après les infos de Rémi l'Américain qui arrive tout droit des États-Unis où il a suivi en direct le débat Trump-Clinton. Il nous en reparle dans en les infos. En direct du QG de Trump. Oui. Son idole. Ah, bah oui. Dans la Trump Tower. Dans la Trump Tower. En direct de la Trump Tower, voici les infos sur Skyrock. La météo de toute la France à 6h33, Rémi. Et ouais, c'est nuageux dans le nord et même parfois pluvieux ce matin. Retour des éclaircies dans l'après-midi, hormis dans les Hauts-de-France où des averses sont prévues. Le ciel sera plutôt ensoleillé dans les régions du sud, mais ça va se couvrir au fil des heures dans le sud-est des Alpes à la Corse. Les températures ce matin entre 0 et 13 degrés 6 en région parisienne, de 11 à 22 au meilleur de la journée. Puis la pollution, bon, c'est pas trop mal. Les indices compris entre 2 et 4, 5 à Paris, Reims et Poitiers. Et attention, 1 500 € à gagner dans un instant, c'est pour vous, c'est sur Skyrock, il suffit de répondre Skyrock dès qu'on vous appelle. Bonne chance d'avance, c'est les infos tout de suite comme promis. Un policier entre la vie et la mort, le gardien de la paix âgé de 28 ans a été victime d'une attaque de cocktail Molotov. Ça s'est passé samedi à Viry-Châtillon, région parisienne. L'adjoint de sécurité est brûlé à 30%, il a été plongé dans un coma artificiel. La présence policière a été renforcée dans le quartier de la Grande Borne où les incidents ont éclaté. Le flou qui se dissipe une dizaine de jours après le meurtre de Romain Barret, le corps de l'agent immobilier a, vous le savez, été retrouvé dans la Loire. Il s'était assoupi dans sa voiture à Nantes après une soirée dans un restaurant. 5 personnes ont été entendues en garde à vue ce week-end. Le meurtrier présumé, âgé de 16 ans, est passé aux aveux. Il aurait étouffé la victime avant d'utiliser sa voiture pendant plusieurs jours. Un débat musclé cette nuit, Clinton versus Trump, acte 2 pour la conquête de la Maison-Blanche. Les deux candidats se sont rendus coup pour coup. Elles ne se sont même pas serré la main avant le débat. Alors ça, c'est une première dans l'histoire des élections américaines. Pas vraiment de fond, mais beaucoup de polémiques. La démocrate accuse le républicain de sexisme, alors que lui rappelle que Bill Clinton a eu de nombreuses maîtresses. D'ailleurs, il a fait de conférences de presse hein, juste avant le débat avec les maîtresses qui étaient autour de lui. Pire encore, il compte saisir un procureur s'il est élu pour enquêter sur l'affaire des mails privés qui avaient fuité. Alors les mails privés, c'est compliqué, mais c'était des mails quand Hillary Clinton était secrétaire d'État. Donc voilà, on pointe un petit peu du doigt le manque de sécurité, son laxisme entre guillemets politique. En tout cas, il estime carrément le milliardaire que sa place, la place de sa rivale, était en prison. Voilà. L'enquête qui avance après le braquage de Kim Kardashian à Paris. Les voleurs ont peut-être commis une erreur fatale selon le Parisien. On sait qu'ils sont âgés entre 40 et 50 ans, qu'ils parlent un français sans accent. Ils ont pris la fuite à vélo, ça on le savait, mais un bijou a été retrouvé un petit peu plus loin. Il s'agit d'une pierre très fine qui a été perdue et sur laquelle les enquêteurs pourraient retrouver une trace ADN. Des expertises sont en cours et on en saura bientôt plus. Eh bien, on va savoir plus tout de suite sur les Bleus. Comment ils vont les Bleus avant la Hollande ce soir? Et puis un joueur espagnol qui jette l'éponge, il s'en va. Ouais, retour des Bleus sur les terrains tout à l'heure. Les hommes de Didier Deschamps se déplacent à Amsterdam après la victoire 4-1 contre la Bulgarie vendredi soir. On joue toujours dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2018. Le duo GG Griezmann-Gamero nous a bien fait plaisir vendredi. Alors sera-t-il de retour dans quelques heures contre les Pays-Bas, premier ex-aequo avec nous du groupe A? Eh bien, on aura la réponse tout à l'heure. Rendez-vous dans la Radio Libre pour suivre tout ça. Coup d'envoi à 20h45. Et puis l'Espagne qui ne pourra plus compter sur Gérard Piqué après le Mondial 2018. Le mari de Shakira est de nouveau au cœur d'une nouvelle polémique. Il est souvent accusé d'être pour l'indépendance de la Catalogne. Enfin, c'est un peu compliqué en Espagne. Et une nouvelle accusation a fait déborder le vase hier soir. Les fans les plus aguerris ont remarqué l'absence du liseré rouge et jaune aux couleurs de l'Espagne, donc au bout des manches de son maillot. Alors certains disent qu'il les a arrachés. La fédération affirme que le maillot était à manches longues, qu'il a simplement été coupé sur demande du joueur. Bref, une polémique de trop pour le défenseur central qui estime ne plus être le bienvenu en sélection par certains fans. Il se casse. Ben fini. Voilà, voilà. Monsieur Shakira, terminé. Terminé. Merci. Il commence à être vieux aussi, non? Ouais, il aura 31 ans après le mondial. Bon. Ah oui, il restait quelques années. Ah oui. Merci Rémi pour les infos. Et on te retrouve tout à l'heure à 7h. Yep. À tout à l'heure, il est 6h36 sur Skyrock. Le morning de Difool toute la semaine de 6h à 9h sur Skyrock. Et la semaine démarre bien. Dans un bel état. Mais non, ça va, on a pris des forces ce week-end. Content de vous retrouver en ce lundi matin. Bienvenue à vous, on vous envoie en Hollande là dans un instant. Ah oui, il faut s'accrocher, on va voyager ce matin dans le morning. Ouais. Voyage offert pour tout le monde. Oui, voyage offert par Romano lui-même. Eh ben oui. Ouais, bah quand on y va dans notre tête à Hollande. Comment on y va dans notre tête? Je crois que tout nous amener en Hollande. J'ai pas affrété un jet. Un jet, non, certainement pas. Bah, c'est dommage, Romano. Bah, si ça aurait été sympa, je suis sûr que vous qui vous réveillez avec Skyrock, ça vous aurait fait plaisir. Ouais, j'ai privatisé un Thalys. Je vous attends tous à la gare. Même un Thalys, hein, même si c'est pas un jet privé, ça aurait été sympa. Hein. Comment gagner de l'argent grâce aux Bleus, grâce aux Pays-Bas et grâce au match de ce soir? Une idée a germé dans ton cerveau chauve, magnifique. Romano s'en occupe dans un instant. Ah ouais, ça a fusé. Et là, on va s'occuper de votre argent. 1500 euros à gagner. C'est parti, c'est pour vous. Pour augmenter vos chances de gagner, vous pouvez vous inscrire au 72020. Vous envoyez 1500 au 72020. Et puis, ben, vous serez peut-être appelé ce matin. Et c'est ce qui va se passer tout de suite. Premier rendez-vous avec les 1500 euros. On y va, c'est parti. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Eh oui, il faut répondre Skyrock dès qu'on vous appelle, dès qu'on vous parle radio, au téléphone. Et c'est peut-être ce qui va se passer ce matin dans le 62. On file dans le Pas-de-Calais ce matin. 1500 euros à gagner à Nœuds-les-Mines. Ça va te faire plaisir, Cariole. Pourquoi? Nous allons à Nœuds. J'adore les gros nœuds. Je sais. On va chez les Mazzy, Mélinda Mazzy, qui a été tirée au sort. Bonne chance aux Mazzy. Vous entendez, ça sonne. Il faut répondre avant la cinquième sonnerie. Et surtout, il faut répondre Skyrock dès qu'on vous appelle. 1500 euros à gagner. Attention, on en a la quatrième, Mélinda Mazzy. Bon, en attendant, je fais mes bagages pour. Ah, ça a répondu. Allô, allô. Allô, allô. Ce serait tôt bête d'avoir répondu juste à la cinquième sonnerie et de pas parler, dis donc. C'est vrai. Bonjour, Mélinda. Alors, attendez. Mélinda cherche peut-être sa bouche. Et le trou dans le téléphone. Et le trou dans le téléphone pour les faire correspondre l'un en face de l'autre. Elle n'y arrive pas. Elle n'est pas arrivée. Ah, mais ça, c'est dur le lundi matin. C'est dur, ça, de trouver la bouche, le trou du téléphone et de parler dedans. Désolé pour Mélinda qui habite à Nœuds-les-Mines et qui ne gagnera pas les 1500 euros ce matin. On va garder le chèque pour tout à l'heure. Ce sera peut-être pour vous. Hein. À 7h, dans une demi-heure, on recommence. Encore 1500 euros. Il suffit de répondre Skyrock. Et c'est dans la poche et pour l'argent. C'est Romano qui s'en occupe maintenant. Ouais. Là. Oui. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Ah, j'y crois même pas là, j'y crois même pas, putain. Réveille. Et ouais, il faut répondre Skyrock. Et là, on écoute le nouveau Bruno Mars sur Sky. Vous l'avez découvert vendredi matin dans le morning. Ouais. 24 Magic. Vous allez voir, c'est funky, ça réveille, c'est super ça. Bruno Mars. Un petit PNL tout à l'heure. Du Pitbull, du Florida. Et Romano et ses conseils pas chers qui arrivent tout de suite sur Skyrock. Bon lundi, bon réveil. Break it. invite the feeling, just put your Bruno Mars sur Skyrock, 24 Magic, Bruno Mars à 6h43. Attention, attention, voici les conseils pas chers et ce matin on file en Hollande. Direction oui. Amsterdam. Amsterdam, vous y êtes allé en Hollande vous... Ouais, déjà. Et ouais, Romano, tu es allé pour nous ce week-end. Exactement, j'ai beaucoup travaillé ce week-end, j'ai été obligé de ramener des produits locaux. Oui, pour ces conseils pas chers, il est prêt à tout. Voici ouais. tout de suite les conseils pas chers de Romano, direction la Hollande. L'idole de Romano, c'est Picsou. Oh. Les conseils pas chers sur Skyrock. Ah oui, tu nous avais dit que t'aimais bien Picsou quand t'étais petit. Ouais, mais c'était... Picsou, il est pas chez Mickey en fait. Ouais, mec, c'était ton personnage de Disney préféré. Ah, j'adore, avec sa piscine de billets. Bon, il a une sale trogne, mais. Oui, il a une sale trogne, il est radin aussi. Hein. J'aimerais pas lui ressembler, mais qu'il est fort, qu'il est intelligent, qu'il est riche. Eh oui, qu'il est riche. Eh oui. Et toi aussi, tu es riche. Tu gagnes de l'argent tous les matins dans ses conseils pas chers, il en gagne plein des sous. Et Amsterdam. Oui. Bon, 50% des touristes visitent Amsterdam, en particulier le quartier rouge. Le quartier rouge, en gros, c'est le quartier des putes et des coffee-shop. Voilà, les putes et la drogue, c'est le quartier rouge en Hollande. Et 30% des touristes poussent la porte d'un coffee-shop. Mais il y a un truc qui était marrant d'ailleurs, c'est qu'ils avaient restreint un petit peu les coffee-shops en Hollande. Ouais, c'est vrai, il fallait avoir une carte pour... Si t'étais étranger à la Hollande, il fallait que t'aies une carte, tout ça. Ils ont vu le tourisme s'effondrer, ils ont réouvert tout ça et ils l'ont ouvert à tous les touristes. Tu peux y aller à nouveau, il n'y a plus de problème. Mais 30%, je trouve ça peu même, d'ailleurs. Oui, parce que Cariole, elle, chaque fois qu'elle y va, c'est 100% de ses voyages qui se terminent dans un coffee shop. Mais hein. pour se débatter la gueule. Et même 110%, même plus, d'ailleurs. Bon, il y a les tulipes, sinon, il y a le fromage. Ouais, il y a le Gouda. Le musée Van Gogh et tout ça. Il y a le musée de la capote aussi. Et le musée de la capote aussi, oui. Ouais. Alors, ouais, c'est vrai, ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent? Il y a le musée du cannabis. Oh, si vous voulez rester un peu dans le délire. Moi, j'étais allé au musée du cannabis. Mais c'est pourri, non? Ouais. Mais bon. Tu dis à tes amis, ouais, non, je suis allé au musée du cannabis. C'est ce que je me disais, ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait en Hollande? Eh bien, ce matin, je reviens de Hollande, là, oui. Tout content. Tout content, tout ouais. défoncé. Et j'arrive chez les familles pour leur proposer un petit bout de tulipe. Quoi, un bouquet de tulipe. Oui, c'est un bout de shit et un bouquet de tulipe, et non un bouquet de shit et un bout de tulipe, Romano. On reste dans les plantes, un peu d'herbe. Ouais. Et également, bon, évidemment, le célèbre Gouda. Le Gouda. Bah ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé au Gouda, mais quelle bonne idée, mais oui. Qu'il est fort. Allez, c'est parti. On file. Chez Didier. Chez Didier. Didier, on a plein de trucs pour lui. Et puis tout est naturel, hein. Là, je suis parti à Amsterdam avec des amis, on s'est retrouvés chez une prostituée. Ah, oui, bah, ça arrive souvent. Allô à Amsterdam, oui. Allô? Ouais, bonjour, comment ça va? C'est la femme de Didier. Bah, ça va? C'est la femme à Didier? Oui. Ouais, comment tu vas? Ça va, bah, c'est qui? Eh ben, c'est Jean-Louis à l'appareil, Jean-Louis Lapince. Tu sais d'où je reviens, là? Là. D'Amsterdam. En Hollande. L'autre pays du fromage. Tu vas aussi à Amsterdam? Non. Non, ah, non. Bon, merde. Tu vois, bon, le nord de la France, t'as la Belgique, et après, t'as les Pays-Bas, Amsterdam. Bon, et je t'ai ramené un peu d'herbe. Ça te dirait que je passe à la maison, qu'on se fume un petit pétard? La femme ouais, a dit... Ouais, sans ta gueule. Eh ouais, toi t'es de la bonne, toi. Ta gueule. Elle était déjà défoncée. Ouais, ouais. T'es plus à la bibine. Tu crois qu'elle était plus sur l'alcool, elle? Ah ouais, ouais, je pense. Ouais. Tu crois? Oh ouais. Bah, on a déjà tout entendu dans le morning. Tout peut arriver sur Skyrock le matin. Allô? Oui, bonjour. C'est Alain. Attendez, je vous le passe. Ah, c'est Alain? Ah bah voilà. Bah voilà, bah nickel. Il suffit de demander. Allô? Ouais, salut Alain, comment tu vas, bro? Ça va? Tu sais d'où je reviens, là? Hein? D'Amsterdam. Tu vas aussi à Amsterdam? Ouais. Ouais. Et je voulais passer à la maison, histoire qu'on fume un petit pétard tous les deux, avec peut-être même tous les trois avec ta femme. C'est qui, là? C'est Monsieur Lapince. Monsieur Lapince. J'ai fait de l'importation, là. J'ai de la tulipe, du gouda et du shit. Yo, man. Yo, bro. J'arrive dans 5-10 minutes. C'est qui, ça, là? Là, ouais. Je connais pas qui c'est, là-bas, là. Alors, on se roule un petit cône. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Ben, je viens ou pas? Ça lui ferait pas de mal. Un peu d'herbe, ça le détendrait un peu. Ouais. Ah ouais. C'est vrai, il a un peu tendu pour un lundi matin, je trouve. C'est nerveux. C'est vrai, un petit peu nerveux pour un lundi matin. C'est vrai que les Hollandais ont quand même de super spécialités. Hein. Allô? Ouais, bonjour, c'est la femme à Laurent? Oui. Salut Sista, comment tu vas? Sista. Allô? Arrête oui. De rire comme une... Est-ce que tu pourrais me passer ton mari? Comment il s'appelle son mari? C'est, est-ce que Lolo, il est dans le coin? Non, il est parti travailler. Ah, parce que je devais lui livrer de l'herbe, là. Que j'ai... Pas, on a déjà tout fumé, nous. Ah, vous avez déjà tout fumé? Bah, justement, on en a, nous. Bah, là, j'en ai de la toute bonne, toute fraîche, qui vient d'Amsterdam. Je viens d'arriver. J'ai fumé ça avec des pétales de tulipe. Trop bon. Défoncé. Ça défonce. Avec un petit bout de gouda dedans. Oui, un petit... La croûte du gouda. La femme à Lolo, je vais arriver dans 5-10 minutes, là. Je te fais une bonne part pour 100 balles. Bien servi, comme on dit. Ok, Sista, comme ça tu l'appelles. Bien viscère, Sista. Sista. Allô, la femme à Lolo. Ah, c'est Lolo, ça. Ah, bah j'arrive. T'as la bouche cousue ou quoi? Tu parles. Bon, Lolo, j'arrive avec le matos, là. T'as tout ce qu'il faut, j'amène la pipa où et les feuilles. À tout de suite, bro. À tout de suite. C'est 100 balles. Il est content, Lolo. Ah, il est content. Ah, il est dans le cube, il est content, Lolo. Ah, il est content, Lolo, comme toi. Eh bien, moi, il y a Kevin qui voudrait que tu le livres aussi. Est-ce que je peux me faire livrer? Kevin Badgone, qui vient de laisser un message, 27 ans. On va s'arranger en antenne. T'en as pour moi, Romano? Ah, il y en a un qui veut un petit ouinge pour calmer sa mère. Un ouinge au réveil pour ma mère, Romano, s'il te plaît. Ah ouais, mais bon, j'en ai pas ramené pour tout le monde. Hein. Bon, on va s'arranger. Prenez le numéro, on verra ça en antenne. C'est le numéro de Bertrand, on te le prend? Très bien, notez. Bertrand, c'est pour ta maman. Allez, les 6h49 sur Skyrock, dans une minute l'horoscope de l'amour arrive, on aura le sondage du morning aussi et on va aider un auditeur de Skyrock qui s'appelle Théo et qui est dégoûté de... j'ai vu son mail tout à l'heure et on a décidé de s'occuper de toi Théo est dégoûté parce qu'aujourd'hui il a un nouveau truc qui arrive dans sa vie. Il va avoir des lunettes. Ah, je croyais que c'était un appareil dentaire. Ah non, il est dégoûté parce qu'il aura des lunettes aujourd'hui. Ma lunette, ma quéquette. Eh bien, vous allez voir que les lunettes, c'est pas si mal que ça pour séduire. La réponse arrive, le sondage du jour, c'est dans le morning, il est 6h49. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec des portes ouvertes exceptionnelles du 13 au 17 octobre. Pilier de la sélection, nouveau Scénic, impressionnant de design et de technologie. Et oh joli, Twingo, Capture et Mégane, au meilleur de leur forme avec Easy Pack. Oui, Easy Pack, sans apport, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Voilà qui promet de très belles portes ouvertes. French Touch, touche française. Easy Pack, pack tout inclus. Ouverture dimanche 16 selon autorisation dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Un pour tous pour l'anniversaire Intermarché. Les 4 semaines les moins chères de France continuent chez Intermarché. Cette semaine, vous avez jusqu'à 70% d'économies sur une grande sélection de produits. Oui, vous avez bien entendu, 70% d'économies. Et tentez de gagner des milliers de cadeaux en faisant vos courses. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalité complète, règlement et magasin participant sur intermarché.com jusqu'au 23 octobre. Et avant Pitbull et Florida sur Skyrock et avant les 1 500 €, ça c'est dans un quart d'heure. Eh bien voici l'horoscope de l'amour. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et vos puissances amoureuses pour ce début de semaine, pour ce lundi 10 octobre, elles sont calculées entre 0 et 5. On va commencer par le 0 du jour. Les taureaux et les cancers, un petit peu de laisser aller aujourd'hui sur le plan sentimental. N'oubliez pas qu'on n'a rien sans rien. Il va falloir faire quelques petits efforts si vous voulez améliorer votre journée. 1 sur 5, les gémeaux et les lions. Quelques petites sautes d'humeur à prévoir aujourd'hui, mais sans conséquence. Et puis ce sera mieux si vous arrivez à garder votre calme. Gémeaux, lions, 1. 2 sur 5, les vierges et les balances. Restez loin des gens qui se plaignent tout le temps aujourd'hui. Et vous verrez, vous passerez un meilleur lundi. 3 sur 5, les béliers et les scorpions. En amour ou en amitié, on pourra compter sur vous et sur votre fidélité. 4, les capricornes et les verseaux. Mais non, comme toi, Difool. Comme nous, Romano, mais oui. Oui, c'est vrai. Nous aurons le feeling aujourd'hui. Vous aurez le feeling, capricorne et verseau. Le courant passera super bien avec les autres, avec ceux qui vous entourent. Et 5 sur 5, les meilleurs, les sagittaires. Comme moi. Et les poissons, une semaine qui démarre avec un moral au top, une forme au top. Personne ne restera indifférent à votre charme aujourd'hui. Profitez bien, les sagittaires et les poissons. Vous avez 5 sur 5. Bravo. C'est bien, bravo. Pitbull Florida. Et le sondage du morning qui arrive. Sondage du morning pour Théo aujourd'hui, qui va récupérer des lunettes. Tu sais que moi j'ai eu le même problème que toi. Théo, il a 14 ans, il va avoir des lunettes, il est dégoûté. Il nous a envoyé un petit message ce week-end. Ah putain, c'est tard, hein. Bah moi j'ai failli avoir des lunettes à 14 ans. Ah putain, moi je les ai eu en CM1 moi. Et tu devais être dégoûté aussi. Ah bah j'ai pleuré. Ah t'as pleuré. Déjà j'ai pleuré. T'avais de la buée après sur tes lunettes. Non mais déjà j'ai pleuré, tu sais quand ils nous ont fait le test en classe. Ouais moi aussi parce que je voyais avec, rien. Avec l'espèce de truc où il bouche un œil là et j'arrivais pas à lire les lettres et ça m'a traumatisé, j'ai chialé. Non moi j'étais au collège donc j'ai pas pleuré mais ça m'a foutu les boules quand même. Ah bon c'est bah j'ai chialé tout ce que je pouvais. On te comprend Théo, on va parler des lunettes et du pouvoir de séduction, femme à lunettes, femme à quéquette. Est-ce que ça marche vraiment? Réponse juste après Pitbull et Florida sur Sky. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Red light, green light, everybody take a shot. Red light, Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Mommy, and you know what that means, that we can do anything, anything that you dream. I wanna make you ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. She ready, then I'm ready. Pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Serena Venus, flow of genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out, slide out. Rally stripes, Cindy 500, bye-bye. Wild out, shout out. Be high, in the honeycomb, hide out. Let's have a good time. Right now, right now. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Let's go. Cause I'm ready to go. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready. Pitbull et Florida sur Skyrock, on écoutait Green Light, il est 6h55, allez on va rassurer Théo, dès que vous avez un problème, vous pouvez faire appel à la Skyrock, on est là pour ça. Théo qui est dégoûté, nous a même envoyé un mail samedi, un autre mail dimanche, enfin bon j'ai récupéré tous tes mails Théo. Aujourd'hui il récupère des lunettes et il a peur de se faire traquer par des potes. Ouais. Alors je pense que tes potes vont te traquer, après ça dépend en quelle classe tu es, tu es en, t'as 14 ans, tu dois être au collège. Ceux qui n'ont pas évolué ils vont te traiter de serpent à sonnette ou à lunettes et là tu vas te moquer d'eux parce que tu vas dire t'as quel âge. Ouais c'est clair. Et puis, sinon on est tombé sur le sondage du jour, vous savez que les lunettes font partie du pouvoir de séduction Romano. Ouais ouais bah c'est bien pour ça que j'en ai. 40% des femmes trouvent que les hommes sont plus séduisants avec des lunettes. Ah ouais. Eh ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est le sondage du morning. Le sondage du morning de Default sur Skyrock. Donc mettez des lunettes. Hein. Faites comme Maître Gims par exemple qui se balade avec des lunettes de soleil H24. Toute saison, la nuit, le jour, Gims, il a toujours ses lunettes. Mais bon, nous, on a Sam aussi. Hein, on a Sam qui a des lunettes, mais ce sont des fausses. Exactement. Ah ouais. C'est du verre. Ouais, c'est pas mal. Ça masque une partie de la gueule. C'est vrai que ça a plusieurs avantages. Ça peut également... Un masque de ski pour voir. C'est vrai qu'avec des lunettes de ski, et mettre des lunettes de soleil dessous. Ouais, pas mal. Tu en mets deux dessus. Alors 40% des femmes trouvent que les hommes sont plus séduisants avec des lunettes. Bon, bah tu vois, Théo, pas te prendre la tête. Hein, c'est vrai que quand t'arrives avec un truc nouveau au bahut, que ce soit une nouvelle coupe, des nouvelles lunettes, de nouvelles fringues, de toute façon, t'as toujours les autres qui regardent et qui essayent c'est de te craquer. Ouais. Donc prends-toi pas la tête pour ça. Et alors le chiffre super, écoutez bien, 5, c'est pour vous les filles. 54% des hommes trouvent que les femmes portant des lunettes sont plus séduisantes. Ah ouais. D'où la célèbre expression, femme à lunettes. Femme à quéquette. Eh oui, vous la connaissez. Et quand une femme voit un homme à lunettes, elle pense. Elle pense quoi? Qu'il est? Quelques petits adjectifs. Sexy. Ah, très intelligent peut-être. Bien joué Romano, ah, intelligent. Séducteur. C'est mon cas. Et ambitieux, oui, car tu as des yeux aussi. À lunettes, toi aussi. Ouais, ouais, ouais. Et quand un homme voit une femme à lunettes, il pense qu'elle est sexy, intelligente qu'elle et séductrice. Elle aime la quéquette. Ah, oui, femme à lunettes, femme à quéquette. Donc, prends-toi pas la tête, Théo. Hein, tu vois, tu pourras leur dire au bahut aujourd'hui, voici le sondage du morning. J'ai entendu ce matin, je suis super séduisant, trop beau gosse, et en plus, ça me cache une partie du visage. Ah. Je reprends tous les arguments qu'on a donnés. Homme à lunettes, homme à quéquette. Exactement. Dis-le à tes potes aussi. Dis-le à tes potes, homme à lunettes, homme à quéquette. On écoute PNL et puis on vous prépare vos 1500 euros. 1500 euros à gagner. Vous voulez augmenter vos chances de gagner, envoyez 1500 au 72020. On va peut-être vous appeler dans un instant. PNL, c'est Naha, c'est le son qui arrive tout de suite sur Skyrock. Il est 6h58. Radio libre, tous les soirs sur Skyrock. Allô Cédric. Allô. Il est là le gros con. Ah, il est en ligne. Salut Cédric. Ça va? Est-ce que t'as pris ta morphine? Non, pas encore. Ah, tu veux pas la prendre? 21h minuit. On voit que tu vas toujours aussi bien. Ouais, ça va, nickel. Toujours. Moment de solitude. Ça, c'est génial la morphine. Mais qu'est-ce que t'as à gémir comme une biatch? C'est la morphine. Ouais, mais attends. What the fuck? 21h minuit, la radio libre de Diffoul sur Skyrock. Eh, à la Banque Postale, ils ont observé que vous parlez souvent de changer votre vieille voiture, de partir en croisière ou encore de refaire votre déco. Bon, à la Banque Postale, ils ont aussi observé que, force de constater, vous êtes passé maître dans l'art de remettre vos projets à demain. Ah si, ne niez pas, on vous a vu. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors profitez de leur bon taux sur les prêts personnels, auto, travaux et projets jusqu'au 5 novembre 2016 et réveillez vos projets. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite au bureau de poste ou au 3639, service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Check. Dès 6h. C'est que le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est des conneries à la radio. C'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Et à 6h59 sur Skyrock, le gros son de PNL tout de suite, c'est Naha. Et le gros chèque de Skyrock arrive juste derrière. Et oui, parce qu'on va vous offrir 1500 euros. 1500 euros pour vous, PNL, ouais. Tout de suite. Écoutez bien ça, ça déchire. Hein, c'est l'album de PNL, c'est sur Sky. Mes coups de sueur ont l'odeur de l'enfer. Ça recommence, on finira par s'y faire. Par s'y faire. Nique ta célébrité, nique ton buzz. Nique ton buzz. Sans ce putain de rap, t'es rien, pouta creuse. Pouta, pouta. Je veux pas con, m'invite. Pardon, je recompte. Mes rêves se ravis. Money. Leur offrir tous ses rêves, on va brûler. Sans que tu commences à me plaire. Les billets bleus sont devenus violets. Les rouges sont devenus verts. Non. Ok, je m'en balais. Je crame une clope dans la. C'est ta seule voix, ma. Je suis pas là. Le Yankee veut ça. En menotte dans la. Au palais, je sens la. PNL sur Skyrock, seulement sur Sky, PNL, on écoutait Naha, il est 7h01, bonne journée, bon réveil, on se réveille avec PNL, on va se réveiller avec DJ Snake dans un instant, avec Justin Bieber aussi, ouais. Let Me Love You, et au programme du morning, avant 7h30, 1500 euros à gagner, juste après les infos, branchez bien les téléphones, dites-le autour de vous, il faut répondre ouais. Skyrock dès qu'on vous appelle. On aura aussi Cristiano Ronaldo, Ibra, Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic Zlatan, dans le morning, ouais. Et de la cocaïne, tout ça avant 7h30, mais oui. Mais quelle matinée. Ah bah oh. Oui, quelle matinée. Attention quand même, tout n'est pas bon là-dedans. Hein. Ouais, un Cristiano, ouais. C'est bon, un Ibra, c'est pas mal non plus. Cocaïne, faut faire attention. Mais on en reparlera tout à l'heure, allez, je vous le dis, à 7h20 tout à l'heure dans les infos aux mythos du jour. Puisqu'on va jouer tout à l'heure à 7h20. Info mytho à gagner, votre iPhone 7. Il est pour vous. Et puis là, on est prêt. Il est l'heure des infos. Il est 7h02. Rémi, on y va. Ouais. Le point sur l'actu. Couvrez-vous ce matin parce que ça caille, hein, je ouais, vous c'est dis. Vrai. À peu près partout, il fait froid, donc. Ouais, entre 0 et 13 degrés. C'est vrai que dans le sud, il fait un petit peu plus doux, mais de manière générale, le thermomètre est en baisse. 6 seulement ce matin en région parisienne, de 11 à 22, au meilleur de la journée. Côté ciel, ouais, c'est nuageux dans le nord. Pas froid, pluvieux ce matin. Retour des éclaircies dans l'après-midi, hormis dans les Hauts-de-France où des averses sont prévues. Et puis le ciel sera plutôt ensoleillé dans les régions du sud. Ça va se couvrir au fil des heures dans le sud-est des Alpes à la Corse. La pollution, et c'est pas trop mal, les indices compris entre 2 et 4. 5 à Paris, Reims et Poitiers. Et le point sur l'actu tout de suite, avant vos 1 500 €. L'actu et le sport pour tout savoir en 2 minutes. Ouais, un débat chaud bouillant cette nuit. Clinton versus Trump, acte 2 pour la conquête de la Maison Blanche. Les deux candidats se sont rendus coup pour coup. Ils sont d'ailleurs pas serrés la main au début du débat, ce qui est une première dans l'histoire des élections américaines. Alors pas vraiment de fond, hein, mais beaucoup de polémique. La démocrate accuse le républicain de sexisme, alors que lui rappelle que Bill Clinton a eu beaucoup de maîtresses. Pire encore, il compte saisir la justice, un procureur s'il est élu, pour enquêter sur l'affaire des mails privés qui avaient été fuités, les mails d'Hillary Clinton. Le milliardaire a carrément estimé que la place de sa rivale était en prison. Rien d'agressif, voire même un petit peu le monde des bisounours, à contrario hier soir sur M6, alors que les candidats américains ne sont pas loin de se taper dessus. Bah, les nôtres se livrent au jeu des confessions. Karine Le Marchand présentait sa nouvelle émission une ambition intime. Arnaud Montebourg et Bruno Le Maire ont même versé une petite larmichette. L'objectif était de montrer les politiques comme ils sont dans la vie, bien qu'ils soient rompus à l'exercice de la communication. On a donc appris que Bruno Le Maire était fou amoureux de sa femme et que Marine Le Pen n'avait pas le droit de lire le journal pour enfants Pif Gadget, qui était financé par le Parti communiste. Le bilan qui continue de s'alourdir en Haïti après le passage de l'ouragan Matthew, les autorités évoquent désormais 1000 morts. Les besoins en eau et en médicaments sont considérables. Des appels aux dons ont été lancés. Un individu recherché depuis plusieurs jours qui a été interpellé en Allemagne. Il s'agit d'un jeune Syrien de 22 ans qui aurait préparé un attentat contre un aéroport. Jaber Al-Bakar se serait radicalisé. Il aurait prêté allégeance à Daesh. Des explosifs et des produits chimiques ont été retrouvés chez lui. Et le sport. Allez, on y va. Les Bleus ce soir. Retour sur le terrain et du rugby aussi. Ouais, les hommes de Didier Deschamps se déplacent à Amsterdam après la victoire 4-1 contre la Bulgarie vendredi soir. On ne sait pas encore qui sera sur la feuille de match, hein, pour le 11 de départ. On l'apprendra dans la journée. On saura ce soir si les Bleus reprennent la première place du groupe A, parce que pour l'instant c'est un petit peu ex aequo avec les Pays-Bas. Coup d'envoi à 20h45. On va suivre tout ça ensemble. Hier soir, l'Algérie et le Cameroun se sont neutralisés. Un but partout. Victoire de l'Italie 3-2 face à la Macédoine. L'Espagne a dominé l'Albanie 2-0. Et puis la fin de la 8e journée du top 14. Le patron, c'est bien Clermont. Les Héroltais s'imposent 29-25 contre Toulouse. Pau a été tenu en échec 22-27 contre Lyon. Au classement, Clermont donc qui domine les débats devant La Rochelle et Montpellier. Et merci Rémi pour les infos. Il est 7h05. C'est l'heure de vous offrir 1 500 € en direct. On y va. Le petit déj de l'équipe. Difool, jus d'orange, café, protéines, Red Bull, vitamines, coca. Cédric, kebab, beurre de cacahuète, beurre, chips, frites, Nutella, fromage, hamburger. Oh Carriole, thé, salade de fruits, fromage blanc 0%. Menteuse. Romano, rien, ça coûte trop cher le petit déj. 6h-9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Sauf si vous l'offrez à Romano, il prend le petit déj aussi. Hein. De bon cœur. Voilà, on est tous là. Bon réveil à vous. Il y a Karim qui remplace Cédric au standard. Il y a Sam qui est là sur les réseaux sociaux. Hashtag morning de Default. Hashtag Nikos. Hashtag je voice. Je voice. Je parle de Nikos parce que Nikos va venir nous rendre visite pour le réveil de star de ce matin. Allô. Oui. On est là, Nikos. Oui, on est là. Ça va bien. Ouais, ça va. Tranquille. Nikos sur Skyrock réveille les familles de France dans un instant. C'est Nikos. Nikos. Yo man. Yo bro. Ouais. Nikos, le réveil de Star, c'est à 7h10, à 7h20 tout à l'heure. On parlera de Ronaldo, d'Ibra et peut-être un peu de cocaïne, mais on vous tient au courant. Ce sera info ou mytho. Et puis, du son pour se réveiller. DJ Snake, Justin Bieber, ils arrivent juste après les 1 500 €. Je vois que Romano, tu as dans ta toute petite main un gros chèque de 1 500 €. Et l'enveloppe qui va avec. Il y a surtout l'enveloppe qui enferme le chèque, sinon je ne sais pas ce que serait devenu le chèque. chèque. Vous savez comme il est tellement voleur. Il aurait fini dans ma poche. Bah oui, ou sur mes comptes en banque directement. Tellement kleptomane que je sais pas ce qui serait arrivé. Là, on surveille, on ouvre l'enveloppe et on vous offre de l'argent. C'est parti. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Eh oui, quand ça arrive, c'est trop bon et ça peut vous arriver. Hein. N'hésitez pas à vous inscrire d'ailleurs. Envoyez 1500 au 72020. Ça augmente vos chances de gagner. Ouais. Et là, nous allons dans le 93 à gagner. Allez, j'espère que ça va gagner et gagner. Oui. Et c'est Rachel Artiguez. Allez, Rachel. Le répondeur de votre correspondant est temporairement indisponible. Merci de votre compréhension. Qu'est-ce qu'on fait, Rachel Artiguez? On rappelle? Ouais, parce que des fois, il y a des fausses manœuvres au niveau du standard. Allez, Karim, ça. On refait. Ouais, c'est Karim. Bien balancé, Karim. Le répondeur de votre correspondant est temporairement indisponible. Eh bien, on est désolé. Bien, on se rappelle, gros. Mais désolé pour. Comment il s'appelait? C'est Rachel. Rachel Artiguez. Rachel Artiguez, désolé, le répondeur est indisponible. T'as vu, on a essayé trois fois. Hein. Fait chier, ça. Eh bah ouais, ouais, ouais. Désolé pour Rachel. Rachel, bah ça sera peut-être pour la prochaine fois. La prochaine fois, c'est dans une demi-heure. Hein. À 7h30, c'est peut-être pour vous. 1500 euros à gagner. On vous appelle, vous répondez Skyrock et c'est 1500 euros dans la poche. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Non, putain, non, je suis refait là. Dès le réveil, dès le réveil. To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, heaven's a heartbreak away. Never let you go, never let me die. Sur Skyrock, Justin Bieber et DJ Snake pour se réveiller ce matin. Bon réveil à vous. bonne journée. Le réveil ce matin, c'est avec Nikos. C'est l'heure du réveil de stars. Nikos, c'est à l'honneur. Oh, salut, Lou. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Waouh. Waouh, eh oui, Nikos. On est là sur Skyrock ce matin. Tu sais que ce soir, t'auras quelques millions de gens qui vont te regarder à la télé? Non, ce soir, on sera à la radio. Mais ils seront quelques millions aussi, Nikos, c'est gentil, hein, mais ce soir, nous, on est à la radio. Allez, ouais. Vite, sur Facebook Live ou alors sur Periscope également, si vous voulez regarder. Ouais. Quelques moments de l'émission de ce c'est soir. C'est possible. Mais on sera à la radio. Nikos Aliagas est ce matin sur Skyrock. Mais oui. Ça va, fils? Ça va, Nikos. On a passé un bon week-end. Ouais, ça va, fils? Ça va, fils. Allez, Nikos. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est salut. Celui de The Voice, hein. Oui. De 50 minutes. The Voice, The Voice Kid. Oui, The Voice Kid. C'est fini d'ailleurs, The Voice Kid. Ouais, ça y est, c'était la finale samedi. Très bien. Et la semaine prochaine, c'est quoi? Danse avec les stars? Ça y est, ouais, je crois, hein. Aïe, ouais, aïe, c'est aïe. Ça, ouais. Aïe, aïe. Ça y est, ils enchaînent. Ah, Danse avec les stars, c'est dur. Hein. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est dur, ouais. C'est dur. Bon, on s'arrête sur The Voice. Nikos réveille la famille de Christophe ce matin. Allez. Ouais, c'est parti. C'est parti chez Christophe. Allô? Ah. Allô? Bonjour. Ouais? Ça va, fils? C'est qui? C'est NKOS. Qui? NKOS. Je suis un jeune animateur sur TF1. Nikos. Nikos. Voilà. Alléluia. Fous ma gueule ou quoi? Pourquoi? Pourquoi Nikos il me téléphonerait? Tu regardes The Voice Kids, m'a-t-on dit? Non, pas tellement, non. Est-ce que ça te dirait de monter sur la scène, de chanter face au coach? Non, mais arrête, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Qu'est-ce que comme musique? Mireille Mathieu, des machins comme ça, quoi. C'est vrai que t'es un showman. Un show? Wow. Un showman. C'est quoi ça? T'as pas peur de mettre l'ambiance? Non, pas tellement, non. Tu devrais faire un peu de télé. Ouais, c'est vrai, tu rigoles, tu veux de ma gueule. Il paraît que t'adores la musique, que t'as un groupe de rock. Ouais, Beatles. C'est la première fois que tu chantes à la télévision? Connard. Pourquoi? Ouais, bah parce que, du coup, je te connais pas, puis pourquoi je serais pas de connard? Parce que il y a que des cons qui peuvent me déranger à cette heure-là, quoi. Tu sais que ce soir, t'auras quelques millions de gens qui vont te regarder à la télé? Je fous de ma gueule. Bon, allez, c'est bon. Moi, j'ai le droit à un bisou ou pas? Allez, salut, papa, ouais. Alors, quoi qu'il advienne, on garde le contact. Non, on va garder le contact, je pense même qu'on va le rappeler, moi. En tout cas, c'est bien, écoute, des trucs sympas. Mireille Mathieu. Et les Beatles. Ouais. Et les Beatles. Ça vient juste de sortir chez lui. Allez, Christophe, deuxième fournée pour Christophe. Allez, le même, allez. Christophe et Nikos. Ah, Mireille Mathieu. Allô, vous êtes en contact avec la gendarmerie de Cassis-Sarcé, hein. Vous voulez quoi? Tous les compteurs sont remis à zéro. Ouais, t'as hâte de me casser les couilles, donc. La vie, c'est pas un pays de bisounours. Eh ouais. Ouais, je t'emmerde. Waouh. Bon, allez, moi, je suis le président de la République, et puis, si tu veux me voir, tu sais, maintenant que t'as mon numéro de téléphone, tu sais où j'habite, et tu viens tout de suite, comme ça, on va se piquer dehors. Bonne chance. Tu commences à me faire chier, là. T'as compris, là? Oula. On est très impatients de te rencontrer. Bah, tu viens tout de suite, là. Tu sais où j'habite, là. Tu viens? Non. Tu viens dans ta maison, je te pète ta gueule, moi. Peace and love, peace. Ouais, ça va, allez, oh, tu me laisses tranquille. Sinon, moi, je te pète la gueule, tu viens ici, je te pète la gueule, moi. La grande classe. Ouais, mais je t'en fais pas. D'ici là, prépare tes cordes vocales. T'as quoi venir, de toute façon. J'ai ce qu'il faut à la maison. Voilà. Christophe Herbouillard. Ouais, c'est fait une montée, mais en 10 secondes. Il amuse beaucoup Nikos quand même. Hein. Ah ouais. Il est content, Nikos. Bon, on arrive bien chez moi, il a vu ce qu'il faut. Bien. Je suis pas sûr qu'il aille à The Voice. Non, c'est pas sûr. Je pense que psychologiquement, nerveusement, il est pas prêt. Il est pas assez solide. Ouais, il est pas prêt. Bon, en tout cas, super goût musicaux. Mireille Mathieu, c'est vrai, ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu parler de Mireille Mathieu, mais magnifique cette dame avec son brushing. Ah ouais. Très belle coupe de cheveux. T'aimerais avoir ses cheveux, toi? Ah non, je préfère être chauve. Ah, tu vois, moi aussi. Ah, et puis sa voix aussi, je préfère être muet. Être muet, très bien. Chauve et muet, heureusement Romano n'est pas muet, mais il est chauve, ça, on n'y peut rien. Dans un instant, info ou mytho, on vous offre votre iPhone 7 et on va parler d'Ibra, on va parler de Ronaldo, on va parler aussi avec ton info de cocaïne, Romano. C'est ça. Tout ça dans info ou mytho, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? On va tout vous dire juste après. Ah, ça c'est bon, hein, Jason Derulo et Snoop Dogg. Allez, un petit wiggle sur Sky à 7h15. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Hey, yo, Jace. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of... no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. Hot damn it, woo. Your booty like two planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Whoa, I can't stand it. Cause you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. Cadillac, Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, alley-oop that don't. Tired of working at 9 to 5. Well, baby, let me come and change your life. Hot damn it, woo. Your booty like two planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Boy, I can't stand it. Cause you know what to do with that big fat butt. Oh, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, girl. Just a little bit. Little bit, little bit, little bit. Wiggle, wiggle. Shake what your mama gave you. Misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you. What they do? Taste my raindrops, cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply penetrate it. Then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it. Overstated, underrated. Everywhere I've been. Can you wiggle, wiggle for the B on double G again? Come on, baby. Turn around. Yeah, you're a star, girl. Take a bite. Yeah, it's just one thing that's killing me. How to get back in the jeans. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, girl. Just a little bit. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Like that, make it clap. Like that. Just a little bit. Now make it clap. Damn, baby, you got a bright future behind you. Hey, Jason Derulo et Snoop, mais rappelez-vous. Qu'est-ce que tu sais faire avec ton gros cul? Gigo, gigo, gigoté. Et oui, ton remix, Romano. Gigo, gigo, le prince du hip-hop. Le prince du hip-hop. Un petit peu. Fais-le claquer. Putain, bébé, tu as un super futur devant toi. Ben ouais. Tu vois, tu fais bien Snoop à la fin. Ouais, t'as vu un peu. Et ouais, Romano à la place de Snoop, il l'a fait ce morceau. Merveilleux, on fait pas tout à fait la même taille, mais. Jason Derulo, Romano gigoté. Et Snoop Dogg sur ce morceau à 7h19. Attention, attention, on va apprendre plein de choses. C'est l'heure de découvrir l'info ou mytho du jour. La question de sélection, je l'ai. Ben, il faut me la donner. Elle est là. La question de sélection, je l'ai, je vous confirme. C'est même une info ou un mytho, du coup. Et c'est même une info ou un mytho, il faudra nous dire info ou mytho. On va parler d'un truc, attention, attention, un peu surréaliste, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il y a un entraîneur de foot norvégien qui veut récupérer le sperme de Ronaldo et d'Ibrahimovic, et des plus grands noms du football aussi, pour créer une équipe imbattable dans 20 ans. En fait, il prend leur sperme, il l'insémine aux femmes des joueurs de son équipe de Norvège, ouais. Et ça fait plein de petits clones de Cristiano Ronaldo. En fait, le mec, c'est un savant fou, quoi. C'est ça, et d'Ibrahimovic. Il veut leur sperme. Cristiano et Zlatan, si vous nous écoutez ce matin, eh bien, je vous dis hola et kluktuku. Ça veut dire bonjour en suédois. Kluktuku Zlatan et hola Cristiano Ronaldo. C'est même bon dia Cristiano Ronaldo. Oui, bon dia. Bon dia, bon dia Cristiano Ronaldo. Ben, sachez qu'on veut récupérer votre sperme. Faites gaffe, le mec est complètement amoché. Hein. Ah oui, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse cette info que je viens vous donner? Si c'est vrai, ben, vous envoyez info au 41759 ou alors avec l'appli Skyrock ou le skyrock.fm. Et si c'est faux, vous envoyez mytho. Même numéro, même chose. Et n'oubliez pas votre numéro de téléphone à vous, le premier ou la première après mon top, eh bien jouera avec nous et avec Cariole et Romano qui ont des trucs à vous raconter. Il y a de la cocaïne chez Romano et beaucoup d'argent chez Cariole. Ouais. Et ben on s'occupe de tout ça. Vite, top. Ah oui, fallait que je donne le top. Ça y est. Ça y est, c'est parti. C'est le top officiel. Alors, l'entraîneur fou qui veut récupérer le sperme de Ronaldo et d'Ibra. Info ou mytho? On en apprend plus là, tout de suite sur Skyrock. Bougez pas. Il est 7h20. Travis Scott, le prodige du rap US. Découvrez son nouvel album featuring Kendrick Lamar, Kid Cudi, The Weeknd. Inclus Pick Up The Phone featuring Young Thug. Album déjà disponible.

Alors, une monitrice d'auto-école a été contrôlée positive à la cocaïne alors qu'elle dispensait un cours de conduite. Comment voilà. ça s'est passé? Les gendarmes du peloton autoroutier de Beaune interpellent une dame de 43 ans avec son élève dans le véhicule auto-école. Oui. La dame a un comportement quelque peu bizarre. Oui. Elle est là, elle est dans sa voiture. Ouais. Elle est toute énervée au feu rouge. Ouais, ils se disent chelou. On va l'emmener à l'hôpital de Beaune. Prélèvement sanguin et positive à la cocaïne. Bon, permis de conduire retiré sur le champ par les gendarmes. C'est con d'être dans une auto-école, de travailler dedans et de te faire retirer le permis. T'as pas de chance. Hein. Ah oui, elle est également enseignante à la sécurité routière. Ah bah, bien sûr. Bon, elle sera convoquée évidemment devant la justice dès le retour des résultats. C'est la faute de Romano ou le mytho. Oui. Ou le mytho. On écoute Carriole, écoute bien Seb. Moi, ça se passe à Marseille. C'est un mec qui vient d'avoir son permis et en fait, il a confondu le réservoir avec le coffre et il a mis son essence dans le coffre. Voilà. Info ou mytho? Il a dû bien remplir. La station service, t'es content, dis donc. Gros réservoir, ouais. Alors, Seb, il y a une info et un mytho dans les deux, là. Qui dit vrai, qui dit faux, Carriole, Romano, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dirais Romano info, Carriole, mytho. Tu penses que la monitrice d'auto-école contrôlée à la cocaïne, c'est vrai? Ouais. T'as raison, c'est gagné. Bravo. C'est gagné, Seb. Bien joué. Ah, nickel. Oh, putain, merci. Eh ben, de rien, Seb. L'iPhone 7, il est pour toi. On va te l'envoyer à la Rochelle. Bien joué. Et ton histoire, Carriole, la vraie, c'est quoi? La vraie, c'est en Floride. Et c'est un mec qui a été débité 10 000 euros alors qu'il l'avait pris pour 20 euros. Oh! Voilà. C'est ça. Des euros. T'imagines si ça t'arrive, Romano, tu fais un malaise, toi, non? Ah oui. Ah ouais, mais je vais direct à la banque. Il y a un problème. Regardez. Bravo, Seb. Le téléphone, l'iPhone 7, il est pour toi. On va te l'envoyer à la maison. C'est parti. Ouais. Bah merci beaucoup, vous gérez. Eh bah toi aussi t'as bien géré ce matin, bien joué ouais. Seb. Tu vois, au réveil, il faut nous envoyer un petit message. Faites pareil, hein. Tout à l'heure on rejoue à 8h20. On jouera avec un invité mystère à 8h20 à découvrir. Et toujours un iPhone 7 à gagner, il y en a plein pour vous à choper. Oui. Bonne journée Seb, tu vas faire quoi? Tu bosses? Tu fais quoi dans la vie? Là non, je suis à la recherche d'un emploi là. Très bien, tu cherches dans quoi? C'est jamais hein. Dans la logistique. Bon, vous êtes dans la logistique à La Rochelle. Vous nous envoyez vos messages au 41 759. Et on transmet à Seb, ça serait bien que tu puisses en plus trouver un boulot en plus du téléphone. Ah. Ouais, on sait jamais. Ah, hein. Ce serait nickel, ouais. Ce serait ta matinée. Bah, on compte sur vous. 41 759 et avec l'appli, vous nous envoyez vos messages. Salut Seb, bravo pour l'iPhone 7. Salut. Merci. Ciao. Beaucoup, ciao. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Et ouais, les sons qui déchirent et un son que vous avez découvert dans le morning. C'était il y a 3 semaines déjà, le son de The Weeknd et Daft Punk sur Skyrock. C'est Starboy. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Belly point two just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league to. Side bitch out of your league to. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face. But I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my car if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. The Weeknd et les Daft Punk sur Skyrock, une découverte Sky. On écoutait Starboy et les 7h30 pile sur Skyrock. Bonne journée à vous, merci de vous réveiller avec Skyrock tous les matins. Et tous les matins, toutes les demi-heures, on vous offre 1500 euros. C'est juste après les infos de Rémi, on va tout savoir sur l'actu. Les conseils pas chers, ils arrivent aussi. On va parler tabac et lutte anti-tabac. Et oui, lutte anti-tabac, et ça va te permettre une fois de plus de gagner de l'argent. Écoutez bien les conseils pas chers, vous pouvez les faire vous aussi, on sait jamais. Hein. Ouais, je vais aller embêter les buralistes. Ouais, en gros, il voulait vous dire qu'il allait faire chier les bureaux de tabac ce matin. En général, ils sont toujours au taquet. D'ailleurs, bonjour. bonjour à vous. Si vous êtes à un bureau de tabac, j'arrive peut-être dans 10 minutes là. J'espère qu'on va être bien reçu. Et le top loose, top win du jour, un top loose, top win un peu spécial. Vous savez qu'on le retrouve tous les matins, juste avant 8h, le top loose, top win. Et aujourd'hui, les winners, ça peut être nous tous. Il y a peut-être de l'argent à gagner. Tu vas m'admirer, Romano, quand tu vas écouter le top loose, top win du jour. Vas-y, parce j'attends ça. Je vais vous proposer de gagner plein d'argent. Ça se passe entre 2000, ça va jusqu'à 8000 euros et ça démarre aux alentours de 700 euros. Vous allez voir. Ah, c'est bien. Oui, si vous avez un truc chez vous, attention, on en reparle avant 8h, comme promis. Et puis là, c'est parti pour les infos à 7h31. On va faire le point avec Rémi. Et tu as l'enveloppe des 1500 euros qu'on va ouvrir dans un instant. Mano, je vais la récupérer. On ne sait jamais, c'est plus prudent si moi je la garde. Oui, bien sûr. 1500 euros à gagner si vous répondez Skyrock. Après les infos et la météo pour démarrer. Et une météo nuageuse dans le nord et même parfois pluvieuse ce matin. Retour des éclaircies dans l'après-midi, hormis dans les Hauts-de-France où des averses sont prévues, peut-être même des coups de tonnerre. Le ciel sera plutôt ensoleillé dans les régions du sud, mais ça va se couvrir au fil des heures dans le sud-est des Alpes à la Corse. Les températures ce matin entre 0 et 13 degrés 6 en région parisienne, de 11 à 22 au meilleur de la journée. Et puis la pollution, on respire bien. Les indices compris entre 2 et 4, ça monte à 5 seulement. Sur Paris, Reims et Poitiers. Et le point sur l'actu tout de suite, l'actu et le sport. Un policier entre la vie et la mort. Le gardien de la plage de 28 ans a été victime d'une attaque de cocktail Molotov. Ça s'est passé samedi à Viry-Châtillon en région parisienne. L'adjoint de sécurité est brûlé à 30%. Il a été plongé dans un coma artificiel. La présence policière a été renforcée dans le quartier de la Grande Borne où les incidents ont éclaté. Alain Juppé qui accentue son avance pour la primaire de la droite et du centre. Le maire de Bordeaux obtiendrait 42% des voix au premier tour, un résultat qu'il mettrait bien loin de Nicolas Sarkozy, crédité de 28%. Alain Juppé gagne 3 points de plus que les derniers sondages réalisés fin septembre. Le bilan qui continue de s'alourdir en Haïti après le passage de l'ouragan Matthew. Les autorités évoquent à l'instant plus de 1000 morts. Les besoins en eau et en médicaments sont considérables. Des appels aux dons ont été lancés. Un colloque aujourd'hui au Sénat sur la légalisation du cannabis. Un sondage réalisé par Ipsos est publié pour l'occasion. 84% des personnes interrogées estiment que la législation actuelle ne sert à rien. Plus d'un Français sur deux s'estime favorable à une vente sous contrôle de l'État pour mettre fin au trafic. Un quart des sondés reconnaît avoir déjà fumé un joint. Le combat politique Trump-Clinton qui s'est poursuivi cette nuit pour le deuxième des trois débats de la présidentielle. Pas vraiment de fond, beaucoup de polémiques en revanche. Le démocrate accuse le républicain de sexisme alors que lui rappelle que Bill Clinton a eu de nombreuses maîtresses genre tu sais pas tenir ton mari. Pire encore, il compte saisir un procureur s'il est élu pour enquêter sur l'affaire des mails privés qui avaient fuité. Le milliardaire a carrément estimé que la place de sa rivale était en prison. Bon, on va parler des Bleus maintenant. Les Bleus qui doivent gagner ce soir face aux Pays-Bas. Et puis Gérard Piquet, le mari de Shakira, Monsieur Shakira, qui lâche les Espagnols. Ouais, victoire obligatoire pour s'emparer de la tête du groupe A. C'est une petite finale avant l'heure en vue des qualifications pour le Mondial 2018. Les Bleus se déplacent à Amsterdam pour affronter les Pays-Bas. Le plein de confiance est fait depuis vendredi soir après le succès 4 buts à 1 contre la Bulgarie. En espérant que le scénario se reproduise ce soir, reste à savoir qui sera sur la feuille de match. Peut-être encore une fois le duo Gamero-Griezmann. Rendez-vous dans la radio libre pour suivre tout ça. Coup d'envoi à 20h45. Et puis l'Espagne qui ne pourra plus compter sur Gérard Piqué. Mais après le Mondial 2018, le mari de Shakira est de nouveau au cœur d'une polémique. Alors il est souvent accusé d'être pour l'indépendance de la Catalogne. Et une nouvelle accusation donc a fait déborder le vase hier soir. Les fans les plus aguerris ont remarqué l'absence de liseré rouge et jaune aux couleurs de l'Espagne donc au bout des manches de son maillot. Alors certains disent qu'il les a arrachés avant le match. La fédération affirme que pas du tout. Le maillot était à manches longues et puis il a simplement été découpé sur demande de Gérard Piqué. Bref, une polémique de trop pour le défenseur central qui a dit après le match, voilà, je ne suis plus le bienvenu donc je me casse. L'excuse d'on a découpé les manches, c'est pas mal. Hein. Oui, surtout que, enfin je sais pas, je pense qu'ils ont quand même des maillots à manches courtes. Ouais, je pense voilà, aussi. Oui. C'est quand même une équipe nationale. Bien vu Rémi, bien vu tout ça. Là, il a mené l'enquête. Hein. Non mais t'es en présomption d'innocence, hein. Moi je sais pas. Hein. Dans une demi-heure, la suite de l'actu. Merci Rémi, il est 7h35, c'est l'heure de vous offrir de l'argent maintenant. 1500 euros à gagner. La nuit a été courte, la journée sera moins longue avec le morning de Default sur Skyrock. Et ouais, vous allez voir comment ça passe vite le matin là. Déjà 7h35, l'heure de vous offrir 1500 euros. Riri arrive dans un instant avec Calvin Harris. Maître Gims et Niska, nouveauté Skyrock. Niska, le nouveau avec Maître Gims en featuring. Elle avait son Joe, un des morceaux préférés de Romano. Ah, j'adore. Je sais. Les 21 Pilots tout à l'heure, du Drake aussi pour se réveiller. Et puis il y a des trucs que tu adores dans le morning également. C'est tes conseils pas chers. Les conseils pas chers et ce matin, le tabac. Tu trouves ça génial, les conseils pas chers? Ouais, assez extraordinaire. Moi aussi. Vous avez entendu cette histoire de la loi sur le cannabis? On va faire un petit sondage express là ce matin parce qu'on aime bien vous demander votre avis. Le cannabis, est-ce qu'il faut le légaliser? Oui ou non? Envoyez vos messages, on va voir si on va voir ce que vous en pensez. Parce qu'ils en parlent au Sénat aujourd'hui. Vous imaginez les sénateurs, 80 ans, tout ça. homme politique depuis 70 ans. Ouais. Entre deux verres de rouge, ils vont voter un truc sur le cannabis. Ouais. Complètement bourré. Non, parce qu'ils ont une buvette là-bas. Ah bah attends, je peux te dire que la buvette, elle marche bien là-bas. Il y en a, ils passent plus de temps à la buvette que dans l'hémicycle, dis-donc. Ouais. Étonnant, hein. Ah ouais, ouais. Bon, allez, vous nous dites au 41759 ou sur l'appli Skyrock, vous envoyez vos messages. Damien dit oui. Mistone dit oui. Légalisation. Non pour Shaima. Oui pour Delph. Oui pour Blue. Non pour le Joker de Skyrock. MD, il love weed, donc ça doit être oui. Love weed, ça veut dire oui. Legalize it pour Kevayer. Salut Kevayer. Il faut légaliser pour Weed à Max. Ah, c'est pas Win Max, c'est Weed à Max. Oui. À Max, pas mal. Vous avez des pseudos marrants là, dites donc. Ouais. Et Adrien bien. Qui nous dit oui, il faut pour l'économie des pays, du pays, mais surtout pour nous. Ouais, surtout pour c'est ça. Non, ouais. Mais c'est vrai que pour l'économie, ça ferait des taxes, tout ça. C'est vrai, ouais. C'est ouais. Pas mal. Bon, allez-y, écoutez Carriole. Ah oui, c'est vrai. Ah, hein, oui, c'est... Hein, oui, c'est vrai. C'est hein. Vrai, hein, comme ça, je... en plus de boire du vin, je pourrais démonter la gueule. Non, le vin, ça suffit, Carriole. Bon, on en reparle dans un instant, on vous donne les résultats. Et puis en plus, tu nous parles tabac ce matin, Romano, ça tombe bien. Ouais, c'est ça, direction les buralistes. On file dans les bureaux de tabac. Et attention, on file peut-être chez vous maintenant. 1500 euros à gagner, juste avant Rihanna et Calvin Harris. Mode d'emploi pour choper 1500 euros. Bonjour, c'est qui? Tu fous le tabel? Ouais, c'est pas possible. Tu réponds Skyrock. Tu gagnes. Calvin Harris, c'est le même qui fait les pains de mie? Ouais, c'est lui. C'est ça, ouais. Ah. C'est et de temps en temps, il fait le DJ. Très bien, non, mais c'était pour savoir, parce que j'ai mangé des pains de mie à Harris ce week-end. Ouais, bien bon, hein. Ouais, bien bon. Bon, j'ouvre l'enveloppe, allez, on passe aux choses sérieuses. Maintenant, on arrête de déconner. Attention. Ouais. Voici les 1500 euros pour vous ce matin sur Skyrock. 1500 euros à gagner à Orléans. Si vous nous écoutez dans le 45, le Loiret, à Orléans, vous allez peut-être gagner 1500 euros. On appelle la famille Chatoui. Eh ben, j'espère qu'ils en auront de la Chatoui ce matin. Yacine Chatoui qui a été tiré au sort. S'il répond Skyrock, il gagne 1500 euros. Vous savez comment ça marche. Allô, monsieur Chatoui. Ouais, Chatoui. Oui, monsieur Tifoul. Oh, bah tiens. Bonjour, monsieur Yacine. Ça va? Et toi, bien? Ah, merci. Je vous écoute, là, en plus. Ah, bah, j'ai bien remarqué que tu nous écoutais. C'est bien, Yacine. Donc, je pense que tu vas gagner 1500 euros, mais on va quand même faire le test. Hein. Bah, Yacine. Écoute, normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, ouais. Dis-moi, quelle est ta radio préférée, Yacine? Skyrock. Allez, c'est gagné, Yacine. Ah, bravo, Yacine. Bravo. C'est cool de nous écouter le matin. Et bah, c'est cool de gagner aussi 1500 euros. T'as gagné, Yacine, ça y est. Eh ben, ça fait plaisir. Eh ben, nous aussi, ça nous fait plaisir. Présente-toi un peu, Yacine. Bah écoute, chauffeur-livreur sur la région d'Orléans, je travaille avec TNT, et puis un petit coucou à tous les chauffeurs de TNT. Eh bien, on salue voilà. Les chauffeurs de TNT et les autres aussi. Oui, hein. Aussi. Oui. Et les autres, bien sûr. Les autres. Ça chauffe, ça livre et ça gagne 1500 euros, Yacine, ce matin. C'est bien, dis donc. Et ça fait plaisir pour un lundi. Qu'est-ce que... Bah oui, c'est un lundi qui démarre pas mal, une semaine qui démarre bien en tout cas. C'est des concurrents, voilà. Des PD. Oui, on a travaillé pour DPD. Tu as travaillé pour DPD. Ouais, je travaillais pour DPD. Non, mais c'est la boîte de livraison, on en parlait l'autre matin. Oui, oui, oui. Ah non, super. Ouais, sympa comme nom, sympa. Et quand tu disais à tes potes, bah, je travaille chez DPD, je travaille chez DPD, c'est bien. Ah, moi, je disais pas que je m'appelais DPD, donc comme ça, c'est bon. Bon, bah, tu vois, en tout cas, tu pourras dire à tout le monde que t'as gagné 1500 euros sur Skyrock ce matin. Eh ben, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et on salue tout Orléans, ça écoute à fond, hein, Skyrock à Orléans. On vous remercie les Orléanais, les Orléanaises. Merci Orléans. Et vous avez bien été représentés ce matin. De rien, merci beaucoup, l'équipe, c'est gentil. Bah, super Yacine, le chèque arrive très très vite à la maison à Orléans. Oui. On t'embrasse. Bien, merci bien, merci beaucoup. Et puis, bah, continue d'écouter Sky. Un petit Rihanna, ça te fait plaisir? Ouais, c'est bon. Oui, toujours. Ouais, j'écoute tout le temps, il n'y a pas de soucis. Allez, Calvin Harris, comme mon pain de mie. Et Rihanna. Et Yacine, raccroche pas, on t'envoie le chèque très très vite, il arrive dans la semaine à la maison. Merci beaucoup, l'équipe, bonne journée. Salut, ciao. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Oh putain, vous déchirez Skyrock. Dès le réveil, dès le réveil. Et le morning qui vous offre encore 1500 euros dans moins d'une demi-heure. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Everybody's watching her, but she's looking at you. Skyrock avec This is what you came for, 7h43. Et ben voilà, 1 500 euros, ils sont tombés déjà ce matin chez Yacine à Orléans. Ce sera peut-être pour vous tout à l'heure. Tiens, d'ailleurs, on va faire un truc, on va faire comme on a fait mercredi dernier. Vous vous inscrivez maintenant et vous gagnez tout à l'heure. On fera un tirage au sort à 8h30. Inscrivez-vous maintenant au 7-20-20. Vous envoyez 1 500 au 7-20-20 et on tirera au sort parmi ceux qui sont inscrits depuis 6h du matin déjà. Ouais. Hein. Et on tirera au sort à 8h30 tout à l'heure. À 8h, on fera un petit tirage dans l'annuaire. On va voir comment ça va se passer. Et là, c'est tombé, hein, il y a un instant dans l'annuaire, justement. Yacine qui a gagné 1 500 euros. Bravo, Yacine. Bravo, bravo, Yacine. Bravo, 1 500 euros au 7-20-20 et tout à l'heure à 8h30, on se retrouve peut-être en direct sur Sky. Ce serait super. Bon, il est 7h43. On parle d'argent. Bon, on va y rester. Les conseils pas chers ce matin. Et ce matin, lutte contre le tabac et les résultats de notre sondage express sur le cannabis ce matin. Vous savez que je fais partie du comité national anti-tabac. Attends, comité national contre le tabagisme, c'est ça le nom exact. Je sais pas, tu y es dedans, tu devrais savoir comment ça s'appelle, Romano. je me rappelle plus. Ah bah écoute. Tu perds la boule. Comité national contre le tabagisme. Voilà, c'est ça. Bon, allez, on y va pour les conseils pas chers, c'est parti. C'est parti. Après Alice au pays des merveilles, c'est Romano au pays de l'oseille. Les conseils pas chers sur Skyrock. Oui, tu aimerais bien vivre au pays de l'oseille. Ah ouais, c'est clair. Résultat du sondage qu'on a fait il y a un instant, vous avez voté, vous avez laissé vos messages, oui ou non, vous a demandé dépénalisation du cannabis, puisque c'est dans l'actu ce matin. Pour ou contre ? Oui ou non, pour ou contre ? Eh bien, vous êtes pour à 72%. Hop, hop, hop, et vous êtes contre à Bacariole 28. Bien joué. Oh là, mais c'est impressionnant. 28%, putain, on a des matheux dans l'équipe. Maths sup, maths spé, elle a fait. Hein. Ah ouais, au moins. Ah ouais. 72% pour et 28% contre. Donc une large majorité pour la dépénalisation. Ouais. On verra ce que nous en disent les sénateurs à la sortie du bar. Voilà, c'est ça. Bon, alors, les conseils pas chers, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, attention, il y avait la journée sans tabac. Oui. Eh bien, maintenant, c'est le mois sans tabac. Ouais. Le mois sans tabac, grande opération nationale qui va démarrer le 1er novembre. Et à partir d'aujourd'hui, dans les pharmacies, vous pouvez aller récupérer le kit d'aide pour t'arrêter de fumer pendant un mois. Le kit, une brochure de préparation, un agenda de 30 jours avec des conseils quotidiens et un disque pour calculer les économies réalisées. Ah, c'est super. Mais c'est... Qu'est-ce que tu fais? La brochure, tu la roules, non? Tu la fumes? Non, la brochure, tu la lis. Ah, d'accord. Après, tous les jours, l'agenda de 30 jours, tu notes les progrès que tu fais. Ouais. Et le disque, en fait, à chaque fois que t'achètes pas de tabac, tu calcules ce que t'aurais dépensé. Et... C'est pas con. Ouais, c'est pas con. Non, mais c'est mieux d'arrêter de fumer, c'est sûr. Et ça commence le 1er novembre. Et ils l'ont fait en Angleterre, ce mois sans tabac, et ça a bien fonctionné. Et tu fais donc partie du comité de lutte contre le tabagisme. Oui, et c'est ça. Et ce matin, j'aimerais installer mon petit stand dans les bureaux de tabac. Ça va leur faire plaisir. Sans doute. Avec la brochure. Et pour permettre aux gens d'arrêter de fumer. Parfait. On va voir si tu es bien accueilli dans les bureaux de tabac avec ton petit stand contre la cigarette. J'ai une petite table. Madame Béthol, bonjour. Oui, bonjour, le bureau de tabac. Ouais. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapin, c'est l'appareil du comité national contre le tabagisme. Ouais. Ouais, je voulais venir installer un petit stand devant, dans votre magasin, là. Non, je pense pas, non. Oh bah si, je vais installer un petit stand. Je vous le loue, 200 euros la journée. C'est sympa. J'installe des petites brochures et je lutte contre le tabac dans votre établissement. C'est bien gentil. Bonne journée, monsieur. Je peux venir ? Non, dis-donc. Allez. Au revoir. Allez, je peux venir. Allez, tu lui files 200 euros, il vient te faire chier toute la journée. Allez, je viens de pourrir les ventes. Non, bon, attends, je vais en prendre un autre quand même. On va au tabac pignier. Le tabac pignier, ouais. Très bien. Le tabac pignier, bonjour. Oui, bonjour, le tabac pignier. Oui, oui, oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, monsieur Lapince, du comité national contre le tabagisme. Oui. On lance une grande opération, là, un mois sans tabac. Et je voulais installer un petit stand dans votre boutique, étant donné que vous vendez du tabac. Je me suis dit, c'est le meilleur endroit pour lutter. Peut-être, mais ma responsable est absente, malheureusement. Ah bah justement, on va en profiter, j'installe ma petite table, je distribue les prospectus, et puis les gens, ils achètent pas de tabac, moi je suis content, et ça vous coûte 200 euros la journée. Mais c'est pour la bonne cause, hein. Oui, je comprends. Oui, bon, je viens dans 10 minutes, un quart d'heure. Y a pas de problème, monsieur, mais ma responsable sera là, et je suis pas sûr qu'elle vous accueille. Vous inquiétez pas, je dirais que vous avez donné votre accord. ça sera pas valable. Ah bah, on verra. Bon, j'arrive, de toute façon, et on voit comment ça se passe. C'est une blague téléphonique, c'est ça? Non, pas du tout. Vous devez 200 euros pour le stand. Hein. Oui. Ah bah, j'ai avec du matériel. Justement, il y a ma responsable. Je l'entends, restez en attente, elle arrive. Ah bah, j'attends. Parfait, on attend la responsable. Imagine, tu vas parler à la responsable du tabac. Eh ouais. Elle va être contente. Ouais. Ah bah, j'imagine. Ah bah, ça va lui faire très plaisir. On salue tous les tabacs d'ailleurs qui se réveillaient avec nous tous les matins. Ça va lui aiguiller sa journée. Oui. Alors, on attend le responsable. Et dans un instant, je vais vous parler des winners du jour. C'est peut-être nous les winners du jour. Regardez les vieux téléphones que vous avez gardés à la maison. Mm-hmm. Un petit conseil que je vous donne et on en reparle. Ah merde, j'en ai jeté plein. On en reparle. Et il fallait pas, Romano. Ah ouais? Vous allez peut-être pouvoir gagner un maximum de thunes grâce au top lose, top win du jour. Carriole direction la déchetterie après l'émission. Oui. Non, non, mais regardez les vieux téléphones que vous avez gardés. Moi, je les ai tous gardés et je peux vous dire que je suis super. Allô, la responsable? Ça attend quand même. Ah bah c'est là. C'est ça les patrons. Allô, oui, bonjour madame la patronne. Oui. Oui, bonjour. Votre employé vous a expliqué? Oui. Donc moi j'arrive à 8h avec le stand. Hein. D'accord. Il y en a marre de vendre du tabac, vous me devez 200 euros pour le stand. D'accord, c'est bon. Venez arriver, on vous accueillera à bras ouverts. Ah bah c'est super sympa. Eh ben voilà. Je serai là à 8h. Ok. Merci beaucoup. Hein. À tout à l'heure. Au revoir. Bonne journée. Sympa le tabac pigné. Ah, super. Ouais. Vive le tabac pigné. Ouais. Romano avec son petit stand aujourd'hui, 200 euros. Ah bah écoute, tu l'as bien vendu ton truc. Ouais, pas mal. Hein. En plus, ça va leur bousiller les ventes, c'est parfait. Nickel. Comment gagner plein d'argent avec vos vieux téléphones? Vous allez tous avoir les winners du jour. En général, c'est ou une star ou quelqu'un. Et bah aujourd'hui, c'est nous. Nous tous. Ouais, les winners du jour arrivent sur Skyrock. L'horoscope, c'est dans une minute. Et le son aussi, c'est Niska avec Maître Gims. Elle avait son Joe, c'est sur Skyrock. 7h49. Niska. Après le tube Mustapha Jefferson, découvrez le nouveau single de Niska, Elle avait son Joe, featuring Maître Gims. Niska, son premier album, Zifukoro, toujours disponible. Eh, à la Banque Postale, ils ont observé que vous parlez souvent de changer votre vieille voiture, de partir en croisière ou encore de refaire votre déco. Bon, à la Banque Postale, ils ont aussi observé que, force est de constater, vous êtes passé maître dans l'art de remettre vos projets à demain. Ah si, ne niez pas, on vous a vu. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors profitez de leur bon taux sur les prêts personnels, auto, travaux et projets jusqu'au 5 novembre 2016 et réveillez vos projets. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Et l'horoscope de l'amour sur Skyrock, c'est parti. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et on démarre avec la meilleure note du jour, la meilleure puissance amoureuse. À 5 sur 5, elle est pour les Sagittaires et les Poissons aujourd'hui. Une semaine qui démarre avec un moral au top, avec une forme au top. Et en plus, une semaine qui démarre avec zéro indifférence à votre charme. Vous allez voir, ça va être super. Les Sagittaires et les Poissons, 5 sur 5. La folie. 4 sur 5, c'est bien aussi pour les Capricornes et les Verseaux. Vous aurez le feeling aujourd'hui, feeling avec les autres. D'ailleurs, avec les autres, le courant passera super bien. Parfait. 3 sur 5, les Béliers, les Scorpions, en amour, en amitié. On pourra compter sur votre fidélité, c'est un bel atout pour cette journée de lundi. 2 pour les Vierges et les Balances, vous restez loin des gens qui se plaignent et comme ça vous passerez une bonne journée. C'est le conseil qu'on vous donne ce matin pour les Vierges et les Balances, fuyez les aigris ce matin. 1 sur 5, les Gémeaux, les Lions, à part quelques petites sautes d'humeur à prévoir aujourd'hui, la journée sera pas si mauvaise que ça et elle sera même meilleure si vous arrivez à garder votre calme. Faut rester calme, cool, peace les Gémeaux et les Lions. Et pour finir, les Taureaux et les Cancers, vous avez zéro aujourd'hui. Hein. Un petit peu de laisser aller sur le plan sentimental pour ce lundi. N'oubliez pas qu'on n'a rien sans rien, faut faire 2-3 petits efforts et ça améliorera votre journée. Et puis envoyez-nous les vieux téléphones que vous avez, enfin les marques des téléphones que vous avez, les vieux, et je vais vous dire si vous allez pouvoir gagner plein d'argent. Les winners du jour, c'est nous et ils arrivent juste après le son de Niska. Elle avait son Joe. Avec Maître Gims. Elle avait son Joe, c'est comme ça que ça s'appelle. Elle avait son Joe sur Sky. Elle voulait juste les papiers. Fait bien, tu pensais Gims. Qu'elle t'aimait, mais elle avait son Joe. Tu lui as tout donné. Tu payais même le loyer. Elle avait son Joe. Elle voulait juste les papiers. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son Joe. Elle a quitté le foyer. Et tu la cherchais, mais elle avait son Joe. Inutile de le nier. Elle a volé ton cœur, sans même dire un mot. Tu ne peux plus l'oublier, ça y est. Elle connaît toutes tes peurs et tous tes défauts. Fini de jeter l'argent par la fenêtre. Sinon le diable va devenir ton proxénète. L'amour en t'aveugle va t'acheter des lunettes. Tu t'es perdu mais tu veux te marier. C'est triste à dire, il voulait l'épouser. C'est triste à dire, elle voulait le papier. Elle voulait juste le papier. Tu pensais qu'elle t'aimait mais elle avait son job. Son job. on t'a conseillé, mais t'as fait le sourd. Maintenant à cause d'elle, endetté jusqu'au cou. C'était Niska et Maître Gims avec Elle avait son Joe sur Skyrock. Elle avait son Joe à 7h55. Le top loose, top win du jour. Tous les jours, un loser, un winner, une loseuse, une winneuse. Et aujourd'hui, c'est nous tous les winners du jour. Ah, j'ai demandé de regarder quels étaient les vieux téléphones que vous aviez à la maison. Alors, j'ai plein de 3210 de chez Nokia, de 8210, de 3310 de chez Nokia aussi. Je sais pas s'il existe 3210, mais si, il existe, ouais. Ah ouais, ouais, parce que j'ai plein de... Voilà. Ça marche. Laura, elle a un 3210. Ah, vous avez gardé vos vieux téléphones. Moi, j'ai tout gardé aussi. Bah, vous avez bien fait. Vous allez voir pourquoi. Là, tout de suite, de l'argent à gagner. Les winners du jour. Les winners du jour. Avec nous, les winners du jour. C'est nous les winners. Ouais. C'est les vieux téléphones. T'as tout jeté, toi, Romano? Non, j'en ai. J'ai tous les iPhones. Ah, t'as tous les iPhones? Quoi, d'en manquer un ou deux. Eh ben justement, ça concerne ceux qui ont des iPhones et celles qui ont des iPhones à la maison. Vous avez j'ai un 3G, 4G, 5, ah merde, 5S, 6. Si vous avez l'iPhone 2G. Ah merde. Eh bien, vous après. Moi, je crois que je l'ai en plus. L'iPhone 2G, ben, il vaut. Il ressemble à quoi? Il vaut une fortune. Il était rond sur les côtés par rapport au nouvel iPhone. Ah, peut-être que je l'ai. Non, d'ailleurs. La file à mes vieux, je crois. Oh. Ah, ben, ils vont le rendre, les vieux. Oh putain, merde. Allez, vieux, ils vont rester en galère de téléphone, les vieux. Romano, tu viens de perdre de 750 dollars. Non, mais j'ai rien perdu, j'y vais ce matin. Hein. De 750 dollars à 8500 dollars. Hein, le plus cher a été revendu à 8500 dollars. Eh ben, les vieux qui vont rendre le téléphone ce matin. On a vu ça sur eBay parce qu'en fait, c'est des trucs de collection, ils sont rares, on n'en trouve plus. Et donc, t'as plein de collectionneurs qui veulent le récupérer. Donc, si vous avez un iPhone 2G, allez faire un tour sur eBay ou sur les sites de vente et vous allez trouver donc des gens qui l'achètent très, très, très cher, cet iPhone. L'iPhone 2G. Il est. Non, mais moi je suis Romano content. Est dégoûté. Ah non, mais je suis pas dégoûté. T'es vieux qui vont le rendre. Moi je. De gré ou de force. Moi il est dans ma cave, donc je vais aller le récupérer. Je vais le foutre sur un site. Et donc vous pouvez vous faire. Moi aussi je suis dans ta cave. Oui, merci Cédric. Vous pouvez donc y aller donc sur les sites entre 750 et 8500 dollars. Ils se vendent là. Bah moi je le vendrais 8500. Moi aussi plutôt, oui. Donc ce vieil iPhone, comme quoi il faut tout garder. Hein, vous avez vu, il faut rien jeter. Ouais. Moi je suis comme ça, je jette rien. Y a pas un autre iPhone? Non, pour l'instant j'ai que celui-ci. L'iPhone 2G qui vaut plus que l'iPhone normal. Il coûte plus cher que l'iPhone normal maintenant. C'est ouf, hein. Que le dernier qu'on vous filera tout à l'heure, d'ailleurs, à 8h20, vous gagnerez le tout nouveau, hein. Ouais. Je vais pas vous filer mon 2G, je le garde pour moi, hein, quand même. Hein. Donc, c'est nous les winners du jour. Nous qui avons gardé nos vieux téléphones. Et puis, regardez, peut-être qu'avec un vieux Nokia, des vieux Motorola, des vieux téléphones. Non, mais il doit y avoir les sites où il y a la cote. Je sais que les vieux, ils sont recherchés, hein. Bah ouais, gardez vos vieux trucs, hein. On a vu ça avec les consoles aussi, les vieilles consoles qui valent bien cher. Ah bah attends, l'autre fois il y avait un reportage à la télé, genre les petites cartouches pour Game Boy. Ouais. Elles valent la première, hein, la toute première, c'est qui est en noir et blanc. Mm-hmm. Les cartouches, elles valent 32 € pièce. Il faut tout garder. Ouais. Gardez tout. Bon, au bout d'un moment, il faut louer un hangar. Oui, mais ne jetez rien. Ça peut vous rapporter cher. Donc c'est le petit conseil qu'on voulait donner ce matin, les winners du jour. C'est nous, qui c'est qui l'a le 2? Moi je l'ai. Non, je l'ai pas moi. Bah si, on l'a. Si, on l'a. Non, mais c'est bon, on peut faire chier. De toute façon, ça peut s'en servir. Romano, il va avoir les beaux-parents aujourd'hui. Dans un instant, 1500 € à gagner pour vous, les infos aussi. Et puis, notre réveil de star. Et tout à l'heure, un iPhone tout neuf, l'iPhone 7 à gagner. Ce sera à 8h20 sur Sky. 7h57. Intersport.

les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Et oui, c'est nous, on est en direct et on se réveille avec vous tous les matins. Et ouais, un bon lundi, c'est ce qu'on vous souhaite. On est le 10 octobre aujourd'hui et on a déjà offert 1 500 € il y a une demi-heure. C'est tombé chez Yacine à Orléans, il repart avec son chèque. Yacine, c'est bien, en plus il était à l'écoute. Ouais. Ça va être magnifique d'entendre son nom en écoutant la radio, en se réveillant le matin comme ça. C'est peut-être ce qui va vous arriver dans un instant. On va vous appeler, on va vous demander quelle est votre radio préférée. Si vous répondez Skyrock, c'est pour vous. 1 500 € juste après les infos. Et des grosses stars hein, ce matin. On ira aux States tout à l'heure, aux États-Unis, avec un acteur mystère à découvrir. Ce sera à 8h20. Je vous donne un indice. C'est donc un acteur. Ouais. Cherchez dans les acteurs et les acteurs américains. Je vous ferai écouter sa voix à 8h20. Invité mystère à découvrir et iPhone 7 à gagner. Une autre star, une star plus de chez nous, celle-ci, c'est Nikos qui arrive dans un instant pour réveiller les familles de France. Waouh! Eh oui, Nikos. Tout à l'heure, un très très bon contact avec une famille, la famille de Christophe, je crois, c'était super. C'est ça, ouais. Bon, bah, c'est pas fini. On va y aller dans un instant à 8h10, direction les familles de France avec Nikos, avec nous ce matin. Et à 8h04, on file dans la rédaction de Skyrock. Oula! Eh ouais. C'est Rémi. Il est tout seul dans la rédaction. Pour les infos, il est tout seul dans la rédaction. C'est parti pour l'actu. On va tout savoir. L'actu, le sport, mais d'abord la météo pour aujourd'hui. Il fait froid ce matin. Ouais, il caille, c'est vrai. De 0 à 13 degrés ce matin, seulement 6 en région parisienne. De 11 à 22 au meilleur de la journée. C'est dans le sud qu'on aura les températures les plus douces. C'est nuageux côté ciel dans le nord. Parfois pluvieux même ce matin. Retour à des éclaircies cet après-midi. Hormis dans les Hauts-de-France où là des averses sont prévues, peut-être même des orages. Le ciel sera plutôt ensoleillé dans les régions du sud, mais ça va se couvrir au fil des heures dans le sud-est des Alpes. À la Corse, la pollution pas trop mal, les indices compris entre 2 et 4. 5 à Paris, Reims et Poitiers. Et l'actu, toute l'actu maintenant avec tout le sport juste derrière. Et si on interdisait le jogging au bahut? C'est en tout cas ce qu'a décidé le directeur du lycée Condorcet à Limay dans les Yvelines. La tenue correcte est exigée depuis la rentrée, les lycéens n'ont plus le droit aux survêtements sauf pendant les heures d'EPS. Alors pas vraiment d'explication à cette décision puisque le proviseur ne souhaite pas s'exprimer dans la presse. Certains parents d'élèves dénoncent une mesure qui va à l'encontre des libertés des élèves. Ceux qui viennent en survêt risquent au mieux une colle, au pire une exclusion. Un colloque aujourd'hui au Sénat sur la légalisation du cannabis. Un sondage réalisé par Ipsos est publié pour l'occasion. 84% des personnes interrogées, donc plus de 8 sur 10, estiment que la législation actuelle ne sert à rien. Un Français sur deux s'estime favorable à une vente sous contrôle de l'État pour mettre fin au trafic de drogue. Et puis un quart des sondés reconnaît avoir déjà fumé un joint. On a fait le sondage express tout à l'heure parmi vous, les auditeurs et les auditrices du Morning sur Skyrock. C'est 72% pour, 28% contre. Un débat musclé cette nuit, Clinton versus Trump, acte 2 pour la conquête du bureau ovale. Les deux candidats se sont rendus coup pour coup et ne se sont même pas serré la main avant le débat. Ça d'ailleurs, c'était jamais arrivé hein, dans un débat dans l'histoire des élections américaines. Bref, pas vraiment de fond, beaucoup de polémiques. La démocrate accuse le républicain de sexisme. Il y a eu pas mal d'histoires là ces derniers temps. Alors que lui rappelle que Bill Clinton a eu de nombreuses maîtresses. On peut comprendre, voilà, tu sais pas garder ton mari, donc comment tu peux essayer de diriger le pays? Pire encore, il compte saisir un procureur s'il est élu pour enquêter sur l'affaire des mails privés qui avaient fuité. Le milliardaire a carrément estimé que la place de sa rivale était en prison. Bref, tout le monde le dit ce matin, un débat de bas étage. L'enquête qui avance après le braquage de Kim Kardashian à Paris, les voleurs ont peut-être commis une erreur fatale selon le Parisien. On sait qu'ils sont âgés entre 40 et 50 ans, qu'ils parlent un français sans accent. Ils ont pris la fuite à vélo, mais un bijou a été retrouvé un peu plus loin. Il s'agit d'une pierre très fine qui a donc été perdue et sur laquelle les enquêteurs pourraient retrouver une trace ADN. Des expertises sont en cours, on en saura peut-être bientôt plus. Bon, on va en savoir plus sur le sport maintenant. On parle des Bleus contre les Pays-Bas ce soir et un peu de rugby avec le top 14. Les hommes de Didier Deschamps se déplacent à Amsterdam après la victoire 4-1 contre la Bulgarie vendredi soir. Gonflé à bloc donc les tricolores. On verra qui sera sur la feuille de match. Peut-être les encore. Les deux G, Gamero, Griezmann. Ah bah en tout cas, voilà, faut voir. Ils nous ont bien fait kiffer, c'est sûr, vendredi soir. Les GG, voilà. Double G, 2G, il y a eu plusieurs mots. Il y a tout voilà, ce week-end. Il y a tout ce week-end. Donc on joue bien dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2018 en Russie, je le rappelle. Le rendez-vous donc est pris ce soir dans la Radio Libre. On suivra tout ça. Coup d'envoi à 20h45. Hier soir, l'Algérie et le Cameroun se sont neutralisés à un but partout. Courte victoire de l'Italie 3-2 face à la Macédoine. L'Espagne a dominé l'Albanie 2-0. Et puis la fin de la 8e journée du top 14. Le patron, c'est Clermont. Les Héroltais s'imposent 29-25. Non, les Héroltais, c'est pas Clermont ça. C'est Montpellier. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ah oui, oui. Clermont, alors c'est quoi déjà? Clermont, c'est l'Auvergne. L'Auvergne, c'est vrai, l'Auvergne. Eh oui, C'est les Clermontois. Oui, les Clermontois. Tu peux dire Clermontois aussi. Les Auvergnats, les Clermontois. Non, mais j'aime bien les Auvergnats. Voilà. Les Auvergnats s'imposent 29-25 contre Toulouse. Pau a été tenu en échec 22-27 contre Lyon. Au classement, les Clermontois sont donc en tête. Ils dominent les débats devant La Rochelle et Montpellier. Et Montpellier, c'est les Héraultais. Oui, c'est vrai. Voilà. On sait tout. On a fait géographie en plus ce matin. C'est super. Rémi, rendez-vous dans une demi-heure. À tout à l'heure. Il est tout gêné. Non. Il est tout con. Il est tout con. Sa casquette Brooklyn. Yeah, man. Pour bouger, à chacun son moyen de transport. Difool est en Ferrari. Romano est à cheval. Enfin, plutôt un poney. Cariole est dans les transports. Et Cédric, il se déplace en camion poubelle. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Oui, rien n'est vrai dans ce jingle, sauf le camion poubelle de Cédric. Oui. Sinon, Romano, le poney, c'était quand il était petit. Oui. Enfin, c'est même grand, encore trop grand pour moi. Il n'est pas grand non plus, non, tu veux dire. Oui, un poney nain, peut-être, pour toi. Ouais. Le pauvre. Bon réveil pour vous. Bon courage à vous qui êtes dans les transports, qui dans votre voiture aussi, dans les bouchons, qui nous écoutez tous les matins. Bon courage. Oui, bon courage. Mais on aura du bon son pour vous. Dans un instant, Drake qui arrive avec One Dance. On se fera un gros classique d'Eminem aussi. Je sais que ça va faire plaisir à plein de monde. Ouais. Et à nous aussi, Eminem avec The Real Slim Shady. Qu'est-ce qu'on va écouter ce matin? Du Pitbull, du Florida, du Ken Jones, du Booba aussi avant 9h. Et tout de suite, on vous offre de l'argent avant de retrouver notre star du jour, le réveil de star, c'est lui. Allô. Oui. Il y a de là dans le tuyau. Il y a du monde dans le tuyau, oui, on est là, Nikos. Salut, Lou. C'est Nikos. C'est Nikos. Wow. Nikos qui arrive pour le réveil de star, j'espère qu'il va être bien reçu, notre Nikos de ce matin. Et puis tout à l'heure, un acteur américain à 8h20 à découvrir, ce sera notre invité mystère, donc je vous donne pas son nom, sinon je fous le jeu en l'air. C'est vrai. Et il y aura l'iPhone 7 à gagner. Tout ça, c'est pour vous, tous les matins sur Sky. Bon, on va ouvrir l'enveloppe. Romano, tu l'as, l'enveloppe? Eh oui, je vais l'ouvrir. 1 500 € à gagner. C'est pour vous. C'est maintenant dans le morning à 8h09. Si ton téléphone sonne, réponds Skyrock. Skyrock. Localisation du gagnant des 1 500 €. Ouais, Romano va localiser tout ça. On va ouvrir l'enveloppe. C'est tombé il y a une demi-heure chez Yacine à Orléans. Est-ce que ça va tomber chez vous maintenant? Je localise. Oui, localise. Jui. Le 33. Jui qui fait. Le 33. Jui, le 33. Et on va où? Mérignac. Ah, c'est là où on prend l'avion du côté du 33. C'est. Et du vin aussi. Oui, c'est vrai. Poivrotte. Ludovic Magui. Ludovic Magui, à qui on va Magui offrir Ludovic. 1 500 €. Qu'est-ce qu'il y a? Le standard est bloqué? Ouais, il marche pas, il est bloqué. Ah, bah écoute, je vais les prendre, Skyrock. Attends. Il faut qu'on débloque le standard. Ouais, c'est bloqué. Ça, c'est quand vous appelez trop, que vous laissez trop de messages, il y a tout qui bloque. Merci d'avoir cassé le standard ce matin. Hey, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que vous êtes bien réveillé ce matin. Et envoyez 1 500 ou 720 à 8h30, on tire dans les numéros que vous nous avez laissés. Hein. Ah, le standard est débloqué. Et Ludovic Magui, bon. Donc on y retourne à Mérignac. Hein. Allez, c'est parti. À Mérignac, à côté de Bordeaux. Bonne chance les Magui. Allez. Magui. Les Magui, pardon. Quatrième sonnerie. Ah, ça répond. Bonjour monsieur Magui. Monsieur Magui. Non, c'est sa femme. Bonjour madame, comment allez-vous? Bien. Vous avez passé un bon week-end? Oui. Très bien. Bon, on vous appelle, on est en direct à la radio ce matin. On vous appelle pour vous offrir des sous, les Magui. Ah ouais? Eh ouais, on a 1 500 € à t'offrir ce matin. Ah, ben c'est bien. Ben c'est bien. Alors maintenant, c'est à moi de dire si c'est bien ou si c'est pas bien, parce que je vais te poser une question. Si t'as la bonne réponse, si je dis c'est bien, t'as gagné 1 500 €. Il faut me dire, c'est comment ton prénom? Je t'ai pas demandé. Caroline. Il faut me dire, Caroline, quelle est ta radio préférée? T'as la bonne, tu repars avec le chèque de 1 500 €. Attention, Caroline. Attention, Caroline. La pression. Quelle est ta radio préférée, Caroline? Je sais pas. Peut-être Virgin. Non. On a trouvé l'auditrice de Virgin. Oh, elle est là, elle est avec nous ce matin. Bravo. Bravo Caroline. Elle est là. Ouais. On l'a trouvé. Ils la cherchent depuis des années, ils en ont trouvé une. Ça y est, elle est là. Bon, Caroline, on embrasse nos amis de Virgin, bien sûr, c'est pour rire. Bon, Caroline, c'était Skyrock au téléphone. Ah, ben c'est bien, je vous écoute jamais, donc ça tombe bien. Eh ben écoute, c'est bien parce que tu vas pas gagner. Eh ben voilà. Mais par contre, Caroline, si tu commences à nous écouter, si la prochaine fois tu réponds Skyrock, tu gagnes 1 500 €, ma chérie. D'accord, très bien. Eh ben on t'embrasse, Caroline. Au revoir. C'est bizarre, Caroline, elle est sympa, mais bizarre. Sympa. Bon, désolé pour Caroline, on garde le chèque. Et attention, inscrivez-vous au 7-20-20 à 8h30. On fera un tirage au sort parmi tous ceux et toutes celles qui sont inscrits et inscrites depuis 6h ce matin. Vous envoyez 1 500 au 7-20-20. Et tout à l'heure, on vous appelle en direct dans moins d'une demi-heure maintenant. 1 500 € pour vous sur Skyrock. Et Nikos. Oui, je sais. Nikos arrive tout de suite, là, allez. en direct de 6h à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Ouais, c'est Drake sur Sky. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow, make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance, c'était Drake sur Skyrock. Il est fort, ce son de Drake. 8h15, Eminem arrive dans un instant. Eminem pour The Real Slim Shady. Ça aussi, c'est bon. Grand classique du rap sur Sky. Et tout de suite, avant notre acteur très énervé à découvrir, voici notre Nikos de bonne humeur ce matin. C'est Nikos pour le réveil de stars dans le morning. Les stars réveillent la France. Attention, ladies and gentlemen. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Là, on ne plaisante plus. On ne plaisante plus. On est comme dans The Voice. Ça y est, c'est fini, The Voice Kid. Terminé, The Voice Kid. Mais le nouveau The Voice arrive en fin d'année, comme d'habitude. C'est ça. Parce que là, il y a Danse avec les stars sur TF1. Ça, c'est l'émission la plus pétée que j'ai jamais vue de ma vie, ça. Ouais. Ah ouais, des stars qui dansent. Il va y avoir Julien Lepers. Julien Lepers cette année. Ouais. Valérie Damido aussi. La ouais, mais ouais. Il va y avoir des belles filles. Karine Ferry. Oh, voilà. Elle est pas mal! Ouais, non, mais ça va, Karine Ferry, ça va. Oui, il y a pire, oui. Valérie Damido aussi. Oui, il y a pire, oui, c'est ça. Bon, Valérie Damido et Karine Ferry en train de danser du cha-cha-cha, moi, c'est pas trop mon truc. Mais enfin, à chacun son truc, hein, aussi. Hein. Respect. Nikos Aliagas, le réveil de star. Il réveille la famille de Philippe ce matin. Vas-y! Voilà, on a appelé Philippe, toute la famille, avec Nikos. Ils ont de la chance, hein. J'espère qu'il va être bien reçu. Bah ouais, une star qui réveille, une star de TF1 qui réveille la France. Bonjour. Ça va, fils? Oui, et vous? C'est un plaisir de te rencontrer. Ah bon? Il paraît que t'as un surnom. Ah, mon surnom, c'est Philippe, c'est... Moi, je crois que si. Bah, c'est qui, là? C'est N-I-K-O-S. C'est Nikos. Ah, je te passe ma forme, parce que là, j'y connais rien. Ouais. Nikos, Oui, allô? Allô? Il y a de là dans le tuyau? Allô? Bonjour. Ça va bien? Oui, c'est de la part de qui? Je suis un jeune animateur sur TF1. D'accord. Tu regardes The Voice Kids, m'a-t-on dit? Oui. Ah. Tu sais que ce soir, t'auras quelques millions de gens qui vont te regarder à la télé? Des millions de personnes. Pourquoi? Est-ce que ça te dirait de monter sur la scène, de chanter face au coach? Oh bah oui, pourquoi pas? Faut apprendre, hein. On n'est pas des stars, hein. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Oh, moi, je suis toute musique. La chanson française, c'est ton truc? Bah bien sûr.

Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc, pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat à chaque passage en caisse à partir de 25€, ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20€ en bons d'achat et 50€ en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat! Bon, à la Banque Postale, ils ont étudié votre tendance à garder votre chère vieille voiture. À la Banque Postale, ils ont aussi étudié qu'elle vous coûte quand même plus cher que vous ne l'imaginiez, hein, parce qu'elle demande beaucoup d'entretien, cette chère vieille voiture, hein? Heureusement, à la Banque Postale, quand ils étudient, ils agissent. Alors jusqu'au 5 novembre 2016, profitez de leur bon taux sur le prêt personnel auto et en route pour financer votre nouvelle voiture. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Et c'est reparti sur Skyrock avec notre invité mystère, notre acteur mystère très énervé aujourd'hui. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Oui, il est énervé. You fuck my wife. Non, j'ai pas baisé ta femme. You fuck my wife. Non, j'ai pas baisé ta femme. You talking to me? Oui, je te parle. Qui est donc notre invité mystère? You talking to me? Il est très énervé d'ailleurs, on va le retrouver dans un instant, il a quelqu'un à insulter en direct. On retrouve donc tout de suite Benjamin qui va nous donner la bonne réponse parce que Benjamin, t'as été le plus rapide à nous laisser ton message avec salut. Avec l'appli salut, ou le 41759. Salut, salut Benjamin. Salut Benjamin. T'es dans le 24, c'est quoi le 24? La Dordogne? La Dordogne. La Dordogne. Alors c'est quoi? C'est Bergerac, Périgueux, t'es où toi? Un peu entre les deux. Très, tu vois, j'ai tapé entre les deux. Bam. Voilà, bim. Alors on va aux States maintenant avec notre invité mystère, notre acteur mystère qui est. Robert De Niro. Robert De Niro. C'est ça. Ah ouais. Et ben le papy Robert De Niro, il est tout énervé. Il est énervé contre Donald Trump. Si vous avez loupé les déclarations, ah oui, il veut lui péter la gueule. Vous allez voir. On va faire la traduction simultanée. Enfin, je vais essayer de vous la faire grâce à mon anglais, mais avant ça, on va quand même t'offrir ton iPhone 7. You win. You win. The iPhone 7. C'est super. Sympa. Je vous remercie toute l'équipe. Ça fait super plaisir parce que j'avais un vieux téléphone et puis. Eh ben voilà toi. Et garde-le ton vieux téléphone. T'as vu le conseil qu'on donnait tout à l'heure, hein? Ah, on sait jamais. Oui, il peut valoir de l'argent. Gardez vos vieux téléphones. Tout à l'heure, on vous a donné un petit conseil. Si vous avez l'iPhone 2G. Ouais. Eh bien, il vaut plein de thunes. Il y a un mec qui l'a vendu 8 500€. Ça vaut entre 750 et 8 500€. Ah ouais. Eh ouais, donc profitez-en. Bon, ça en vaut tout le cas, coup. Toi, le nouveau, il est pour toi. Il est bien cher, mais pour toi, c'est gratuit, Benjamin. Bien joué, grâce à Robert Niro. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Eh ben, nous aussi, ça nous fait plaisir. Bravo, Benjamin. You talking to me? You talking to me, oui. Voici tout de suite, c'est la musique du parrain. Ouais, ouais. Bien ça. Voici tout de suite les déclarations de Robert De Niro concernant Donald Trump. Ouais. Il se l'est fait, il a fait une petite vidéo face caméra où il est tout seul et il lui chie à la gueule. Oui, il défecte sur les beaux cheveux blonds de Donald Trump. Ouais, ouais, ouais. Voici tout de suite les déclarations de Robert De Niro, je vous fais la traduction simultanée. Merci, Difool. De rien, je vous traduis tout ça. Voilà donc ce qu'il a dit face caméra, comme tu disais, Romano. I mean, he's so blatantly stupid. He's a punk. He's a dog. He's a pig. He's a con, a bullshit artist. Alors en fait, il est complètement stupide, Donald Trump, c'est ce qu'il dit. C'est un minable, un chien, un porc, un escroc, un artiste de la connerie. C'est pas fini, hein. A mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care. En fait, c'est un clébard qui ne sait pas de quoi il parle, qui ne fait pas son travail et qui n'en a rien à foutre. I'd like to punch him in the face. Et j'aimerais bien lui foutre mon poing dans la gueule. Ah voilà. Voilà la petite conclusion, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. C'est dit. Et voilà, donc Donald Trump, c'est marrant, c'est comme si on avait un mec qui s'appelait je sais pas, Mickey Sarkozy ou Dingo Hollande. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, ou Daisy Le Pen. Ouais, ou Dora Le Pen. ou Dora Le Pen, ouais. Donald Trump, donc il en a pris plein la gueule là quand même ce week-end. Ce qui n'est pas fait pour nous déplaire. Bravo Robert De Niro, hein. Ouais, bravo. T'es pas tout jeune, mais tu gardes la forme. Congratulations. Ah, faut pas le faire chier, De Niro. On vous met la vidéo, hein, si vous l'avez pas maté, on vous la met sur les réseaux sociaux de Skyrock. Skyrock FM sur Facebook, Skyrock FM sur Twitter, Skyrock FM sur Snap, Skyrock FM sur partout. Partout. Bon, bonne journée à vous et puis vos iPhone 7 à gagner. C'est tous les matins. Allez hop, un autre qui est parti là ce matin et c'est pas fini parce que dans un instant, là c'est encore mieux que l'iPhone. C'est 1 500€ qu'on va vous offrir. Ouais. Vous vous êtes inscrit depuis ce matin, 6h. Vous pouvez encore vous inscrire pendant le flash de Rémi là, pendant les infos. Vous vous inscrivez au 720, on fait le tirage au sort juste après avec l'ordi. Parmi tous ceux et toutes celles qui se sont inscrits et inscrites depuis 6h ce matin, tirage au sort de tous les inscrits au 720. Pour vous inscrire d'ailleurs pendant les 2 minutes qui restent, Vous envoyez 1500 au 7-20-20 et peut-être, peut-être, dans un instant, 1500 euros. Le gros chèque. Dans votre poche. Ah oui. Eh oui, le gros chèque. Ça fait rêver, Romano. Hein. C'est clair. Tu vas nous faire rêver avec les conseils pas chers. Ouais, je vais vous parler d'une arnaque qui se passe du côté de Valenciennes, mais qui a également lieu un peu partout en France. Si vous avez un commerce, vous connaissez des commerçants, attention, il y a de l'arnaque dans l'air. Donc, une arnaque que tu vas tester spécialement pour nous. Hein. Bien sûr, oui. Bien sûr. Et notre compile du jour, on en reparle dans un instant, la compile du morning, ce sera avant 9h. Et votre horoscope de l'amour. Mais tout de suite, vos infos. La météo pour démarrer, il fait pas chaud ce matin. Non, c'est vrai, Kai. Ouais. Les températures sont en baisse. Il fait entre 0 et 13 degrés, seulement 6 en région parisienne, de 11 à 22 au meilleur de l'après-midi. Côté ciel, c'est nuageux si vous êtes dans le nord, même parfois pluvieux par endroits ce matin, notamment en Bretagne, hein, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France. Retour des éclaircies cet après-midi, sauf près des frontières belges où là des averses sont prévues, peut-être même des orages. Le ciel est plus clément dans les régions du sud, mais ça va se couvrir au fil des heures. Dans le sud-est, notamment des Alpes à la Corse, la pollution, c'est pas trop mal. Les indices compris entre 2 et 4, 5 à Reims, Paris et Poitiers. Et on va parler des bleus qu'on suivra ce soir dans la radio libre. C'est pour ce Allez, soir les bleus. France-Pays-Bas, Allez. Mais le reste de l'actu d'abord. Le bilan qui continue de s'alourdir en Haïti après le passage de l'ouragan Matthew. Les autorités évoquent désormais plus de 1000 morts. Les besoins en eau et en médicaments sont considérables. Les risques d'épidémie de choléra est important. Des appels aux dons ont été lancés. Un individu recherché depuis plusieurs jours qui a été interpellé en Allemagne. Il s'agit d'un jeune Syrien de 22 ans qui aurait préparé un attentat contre un aéroport. Jaber al-Bakar se serait radicalisé et aurait prêté allégeance à Daesh. Des explosifs très puissants et des produits chimiques ont été retrouvés chez lui. Alain Juppé qui accentue son avance pour la primaire de la droite et du centre. Le maire de Bordeaux obtiendrait 42% des voix au premier tour. Un résultat qu'il mettrait bien loin devant Nicolas Sarkozy crédité de 28%. Alain Juppé gagne 3 points de plus que les derniers sondages réalisés à la fin du mois dernier. Un policier entre la vie et la mort, le gardien de la paix âgé de 28 ans a été victime d'une attaque de cocktail Molotov. Ça s'est passé samedi à Viry-Châtillon, en région parisienne. Des voitures de policiers brûlées. L'adjoint de sécurité souffre d'ailleurs de brûlures à 30%. Il a été plongé dans un coma artificiel. La présence policière a été renforcée dans le quartier de la Grande Borne où les incidents ont éclaté. L'enquête qui avance, une dizaine de jours après le meurtre de Romain Barré. Le corps de l'agent immobilier, vous le savez, a été retrouvé dans la Loire. Il s'était assoupi dans sa voiture à Nantes après une soirée dans un restaurant. 5 personnes ont été placées en garde à vue ce week-end. Le meurtrier présumé âgé de 16 ans est passé aux aveux. Il aurait étouffé la victime avant d'utiliser sa voiture pendant plusieurs jours. Un meurtre quasiment de sang-froid pour dissimuler des vols qu'il était en train de faire dans d'autres voitures aux alentours. On fait le point sur le foot maintenant avec le match de ce soir, les Bleus. Ouais, victoire obligatoire dont on ne doute pas pour s'emparer de la tête du groupe A. C'est une petite finale avant l'heure en vue de la qualification pour le Mondial 2018. Les Bleus se déplacent à Amsterdam pour affronter les Pays-Bas. Le plein de confiance a été fait vendredi soir après le succès 4-1 contre la Bulgarie en espérant que le scénario se reproduise ce soir. Reste à savoir qui sera sur la feuille de match. Peut-être encore une fois le duo Griezmann-Gamero. On va savoir. Rendez-vous. Pas mal. Ouais, rendez-vous dans la radio libre pour suivre tout ça. Coup d'envoi à 20h45. Eh bien, on suivra ça évidemment avec vous. Et puis, on donnera des notes à l'équipe de France aussi, hein, à la mi-temps et à la fin du match. Allez, les Bleus. Et merci Rémi pour les infos. Il est 8h35 sur Skyrock. En direct de l'appart. The Morning Show. C'est le morning de Default sur Skyrock. The Morning Show. Attention, attention. 1500 euros. On vient de faire le tirage au sort. Tiens, Romano, je te donne l'enveloppe avec le numéro de téléphone. Parce que j'ai sans doute les mains les plus honnêtes. Oh. Bien sûr. Bien sûr, les plus honnêtes de l'équipe. De l'émission. Bien sûr, vous bien le savez. Sûr, hein. C'est certain. Vous en aurez la preuve d'ailleurs dans un instant, puisque juste après le son de... On va écouter quoi là? Le son de Pitbull et Florida. Tiens. Allez. Vous aurez droit à vos conseils pas chers, les conseils pas chers qui arrivent. Une arnaque. Mais d'abord, allez, 1500 euros à vous offrir. 1500 euros si vous répondez Skyrock. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Et c'est ce qui s'est passé il y a une heure à Orléans. Il nous écoutait, il a décroché, il a répondu Skyrock. C'est Yacine d'Orléans qui a chopé son chèque. Eh ben, ouais. Bravo Yacine. On espère que vous allez faire aussi bien maintenant. 1500 euros pour qui? Alors, ouverture. Oui. Et on va faire un petit tour du côté de Caen. Nous allons dans le Calvados. Ouais. Et c'est la famille Bouillon. Les Bouillons. C'est Flavie Bouillon. De Caen, Bouillon. Dans Allez, le Calvados. C'est parti, on file en Normandie, à Caen. Allô? Allô, madame Bouillon? Oui. Bonjour, tu es Flavie, toi? Oui. C'est Flavie Bouillon. C'est Flavie Bouillon. Alors, on va te poser la question tout de suite, Flavie. Hein. Oui. Ah, ça serait bon de gagner 1500 euros. Ah oui, ça serait bien, oui. Hein? Eh bien, il faut me dire, quelle est ta radio préférée, Flavie? Skyrock. Et tu as gagné 1500 euros, Flavie. Ouais, c'est super. Ouais. 1500 euros. Super, merci. Tu t'es inscrite, oui. Tu t'es inscrite ce matin à quelle heure, Flavie? Alors là, je suis sur la route pour Amsterdam. On est parti à 5h, donc vers 6h30. Bah, très bien. Tu as bien fait de t'inscrire ce matin à 6h30. Tu suis à Amsterdam. Tu vas pas te droguer, oui. J'espère. Tu vas voir le match? Non, non, je vais voir Pays-Bas-France. Ah, ah, c'est bien. Ah, c'est cool. Ah, bah, vas-y, on va garder ton numéro pour ce soir. Bah, si vous voulez, avec plaisir. Ah, bah, tu correspondant de pas cher. Exactement. Ah, pas cher, 1500 euros quand même. Hein. Oui, c'est vrai, ouais. Ah, quand même. 1500 euros. Bah, t'imagines, tu pars à Amsterdam, tu vas voir les Bleus. Ah oui, c'est génial. Et tu gagnes 1500 euros c'est le, cool, hein. Le matin. Ah, ça va le lundi, ouais. Eh bah, c'est pas mal comme lundi, ouais. Oui, bah, c'est super. Un bon début de semaine. Tu pars avec qui? Avec mon copain. Très bien. Bah, le copain, il doit être content. Il s'appelle comment, le copain? Ah oui, Julien. Julien. Il est content, Julien? Il s'était inscrit aussi. Ah ouais, d'accord, ok. Vous êtes en famille. Mais toute la famille a le droit de s'inscrire. Ça veut dire que là, donc, toi, tu en profites et tu lui donnes rien si vous êtes inscrits tous les deux, alors. Voilà, c'est ça. Très bien, tu as raison, Flavie. Parfait. Félicitations. 1500 euros quand on va à la maison. Tu vas faire quoi avec, tu sais ou pas? Bah non, je sais pas. Bon, t'as le temps de réfléchir. Enfin, pas beaucoup, hein, parce qu'ils arrivent très vite, les chèques. On va te l'envoyer très très vite à la maison, à Caen. D'accord, bah super, merci. Et là, tu étais à quel niveau, là? Là, on est au niveau de Lille. Au niveau de Lille, on salue les Lillois, les Lilloises. Bientôt la Belgique. Et bientôt la Belgique. Il est pas con, hein. Il est pas con. Et après la Hollande. Si t'arrives dans la Manche, c'est que tu t'es trompé de route. Oui, il y a un problème. Bravo, Flavie, on embrasse ton copain. Faites bonne route, soyez prudent. Et, puis, bah merci à et vous. Bon match et à ce soir donc. Et ouais. Merci. Oui, à ce soir. Ouais, Nico. Ouais, non, Flavie. Julien. Julien. Non, Julien. Ah, excuse-moi, pardon. J'ai donné le prénom de ton amant. Excuse-moi. Ouais, Gérard. Ouais. Salut, salut Flavie. Salut Julien. Raccrochez merci. Pas. Merci. Hein. On vous reprend tout merci, de suite. Merci. Au revoir. Et on envoie le chèque très vite. Eh, hey, inscrivez-vous au 720. Vous avez vu, c'est inscrit ce matin. Elle a gagné tout de suite. Vous inscrivez maintenant. Vous gagnerez peut-être demain. Ouais, peut-être. Ouais. 1500 euros. On vous appelle. Vous répondez Skyrock. Et c'est direct. 1500 E dans la poche. Pitbull Florida tout de suite. Et les conseils pas cher, juste derrière. Ah, j'ai hâte d'arnaquer là. Bah vas-y, vas-y, retiens-toi deux minutes, Romano, le temps de Pitbull et Florida Greenlight. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Greenlight, greenlight, everybody take a shot, greenlight, Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money, 3 Miami Boys, you know what time it is. Give me the green light, cause I'm ready to go, let's have a good time, let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. Mommy, and you know what that means, that we can do anything, anything that you dream. I wanna make it ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Woo! Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. I'm Flo Rida, you know I'm all about that thing. If she ready, then I'm ready. Pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. I bring the Venus. Flow a genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out. Smile out. Rally strikes in the 500. Bye-bye. Wild out. Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life, and we gon' live it up. So give me the green light, cause I'm ready to go. Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time. sur Skyrock, c'était Greenlight, Pitbull et Florida à 8h42. Eh ben, on a offert nos deux chèques de 1500 euros. Il va falloir que tu gagnes de l'argent maintenant, Romano. Hein. Bah, ça va être l'heure. Bien malheureusement, je vais être obligé d'arnaquer des commerçants. Oui, et on va vous parler d'une arnaque. Si vous êtes commerçant, vous avez des potes qui bossent chez des commerçants, que vous avez de la famille, commerçant, commerçante, attention. Mettez-les en garde. Oui, dites-le à votre boulanger, votre boulangère ce matin, votre. Sauf si vous avez envie vous-même de l'arnaquer. Hein. Bien sûr. Ah, dans ce cas-là, faut rien dire. De ce cas-là, ne dites rien. On va appeler des commerçants, là, dans un instant, Romano. Tu ne les as pas prévenus, bien sûr. Ah, ben, bien sûr que non. De quelle arnaque s'agit-il? Bon, c'est du côté de Valenciennes, mais ça s'est déjà produit dans d'autres villes. Mmh. En fait, un mec vient vous voir, vous dit, ah, on va sortir un plan de la ville. Est-ce que ça vous dirait d'avoir une pub sur le plan de la ville qui va être distribuée à plein d'exemplaires? Mmh. Bon, forcément, le commerçant, s'il a envie d'avoir un peu de pub, il se dit, tiens, c'est pas con, je vais investir. Sauf que le plan, il n'a jamais existé. Oh, il n'existe jamais. Et il n'existera jamais. Et le commerçant, il a payé. Ouais, c'est ça. Et à Valenciennes, il y a plein de gens qui se sont fait avoir. Il y a même la mairie qui a été obligée de faire un démenti en disant non, nous ne vendons pas de pub. Nous ne faisons pas de plan de la ville avec des publicités dessus. Non, vous êtes fait arnaquer. Ouais. Donc ça se passe à Valenciennes, ça peut arriver partout. Faites gaffe, vous êtes prévenus, amis commerçants, commerçantes. Eh bien, moi, je prends des risques. Est-ce qu'on va du côté de Valenciennes? T'en sais rien, toi. Valenciennes même. Valenciennes même. J'ai bien fait de poser la question. Si gros. C'est confirmé par Karim. Merci. Et ben, on file à Valenciennes. C'est les conseils pas chers. Il a des petites mains, des petits bras, une petite taille, un petit zgeg, une petite tête, mais un très gros portefeuille. Romano, les conseils pas chers sur Skyrock. Et c'est parti. Ouais. Il est super ce jingle. Le petit zgeg, vous l'enlevez, s'il vous plaît. Alors, de Valenciennes, bonjour. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je suis mandaté par la mairie de Valenciennes. On édite un plan, vous savez, de la ville. Oui, vous pouvez me rappeler plus tard, là, je suis en train de faire l'ouverture du magasin. Ah ben ça, moi je m'en fous, hein, à un moment donné, moi il faut que je travaille, monsieur. Hein. D'accord, moi, bah écoutez, ça m'intéresse pas, merci. Ah, vos plans avec votre pub dessus. Non, il veut pas. Bon. Peut-être qu'ils sont tous au courant, les commerçants de Valenciennes, Romano. Ah peut-être, ouais. Ce serait con d'en appeler un qui s'est déjà fait rouler. Quoi. Et là, on va au cochon d'or. Bienvenue au cochon d'or. Midas, bonjour et bienvenue. Midas, merci de patienter, nous allons vous répondre. Oui, bonjour, c'est Midas. Oui. Comment allez-vous? Ben, ça va. Ça va. Dites voir, monsieur Lapin, à l'appareil, je suis mandaté par la mairie. On édite un plan de la ville. Ouais. Et on voulait vous proposer d'avoir un petit espace publicitaire sur le plan. C'est pas avec moi, il faut voir ça. Hein. J'ai pas accès. C'est avec qui qu'il faut voir? Bah, pour aller voir ça, ça va être avec Midas France, hein, par elle-même. Ah, vous n'êtes pas Midas, vous? Ah, si, mais le problème, c'est que c'est pas nous qui décidons. Ah, bah écoutez, vous me donnez c'est que ça. C'est comme vous à la mairie, il y a bien quelqu'un qui décide pour vous. Ah oui, bah bien sûr, monsieur le maire. On peut pas décider. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, vous me donnez 200 euros, je vous mets sur le plan, Ouais. Vous m'en donnerez 400 pour vous voir. Non, mais là, sinon, après, c'est à 10h quand le collègue est là, on verra. Bah, bien. Écoutez, et sinon, j'ai une amie, il faudrait lui refaire le pot, je peux vous l'amener. Ouais, c'est ça, ouais. vous lui faites gratos. Ouais, bah, bien sûr. Ah, il faut lui retaper le pot, il y a un pan crassé là-dedans. Ouais, quand vous voulez. Bon, bah, écoutez, je passe dans la matinée. Il n'y a pas de problème. Merci, Midas. Au revoir, Midas. Voilà, merci, Midas. Un autre, on veut un autre. Ah bah ouais, parce que allez, moi, le cochon d'or, là, cette fois-ci. Ah, c'est le véritable. Karim insiste pour qu'on appelle le cochon d'or. Ah, je veux, ouais. L'unique, le seul, le cochon d'or, il est là. Le cochon d'or. Ils vendent quoi, le cochon d'or? Bah, des cochons, je crois. Ah, cochon, c'est une charcuterie. Je sais pas, peut-être du cochon, je ne sais pas. Bon, avec le bol qu'il a, ça va être fermé, son ouais, truc. Ouais, ça va pas répondre. Ah bah oui, on est lundi, oui. Ils vendent quoi? Ah, vous êtes ouverte. Le cochon d'or. Super. Allô? Attends, la dame, elle a fait une fausse manœuvre, je crois. Rappelle voir. Rappelle-nous le cochon d'or. Ouais, rappelle. Bon, en tout cas, faites attention, hein. Si on propose de faire une petite pub dans un magazine, dans un plan, tout ça, qui n'existe pas, ne l'achetez pas, ça coûte cher. Méfiez-vous. Arnaque. Bon, pour faire plaisir à Karim, on retente le cochon d'or. Sinon, c'est bon chez Midas, ouais. Pratiquement. Mais en mode bouge. Oui, bonjour. Non, mais elle est débile, elle va pas avoir un client de la journée. Mais elle fait pareil quand les mecs ils arrivent dans sa boutique, elle ferme les portes. Ouais, c'est ça. Bon, allez, je ferme. Désolé. Non, là, je ferme. Bon, bah, désolé pour le cochon d'or. Hein. Dommage. Le cochon d'or de Valenciennes. Et on a le boulanger qui s'est fait arnaquer avec ça. Tiens, le boulanger du 59, t'es peut-être à Valenciennes, 28 ans là. Appelez-moi, je suis boulanger et je me suis fait arnaquer de ça. Non, mais il y a plein d'endroits en France où ça a eu lieu. Hein. Méfiez-vous, attention aux arnaques. Ah ouais. Je connais des arnaqueurs, ils sont parfois vicieux. Les arnaqueurs rôdent. Chauve avec un petit zgeg. Ce que dit le jingle, ouais. Bon, dans un instant, votre horoscope, dans une minute même, l'horoscope de l'amour, il arrive. Ah, et notre compile du morning, on va faire les pires recherches sur Google. Il y a des gens qui recherchent des trucs sur Google, c'est un truc de fou. Hein. La compile arrive, c'est sur Sky, du Booba à écouter et du Ken Jones tout de suite.

that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love her, mom. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love her, mom. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love her, mom. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love her, mom. Ken Jones, c'est Don't Mind sur Skyrock. Il est 8h53 et 8h53, c'est l'heure de retrouver les pires recherches sur Google, la compile du morning. Alors j'en ai des pas mal. C'est là, ce que c'est là. Google, Carriole. Il t'en veut, hein. Depuis qu'on a dit qu'il avait un petit gag, il est devenu aigri. Ouais, hein, j'ai pas démenti. Il y a plus de démenti officiel. Donc je peux dire. Rémi, tu sais, le jingle, il va lui faire la matinée. Moi, je t'en fais même des jingles. Non, mais laisse tomber. Ouais, on va garder ce qu'on a finalement. Oui, ils sont bien ce qu'on a. Bon, compile du morning, c'est parti. La compile du morning de Default sur Skyrock. Oui, tous les matins, une compile. Et aujourd'hui, la compile des pires recherches sur Google. Alors, on a déroulé des trucs sur Google. Vous savez que quand vous faites une recherche sur Google, c'est stocké dans votre historique et aussi sur les serveurs de Google. Et on s'est renseigné, on a trouvé des trucs, par exemple, du style. Alors, celui-ci, il est pas mal. Comment contenter une femme? Ouais. Ah. Bon, ça part d'un bon sentiment. Bah ouais, c'est qu'il doit y un peu galérer le mec. Après des questions surréalistes du style, est-ce que le soja accélère la repousse des poils? Je sais pas pourquoi des gens se mettent à poser des questions comme ça. C'est peut-être une dame très velue qui mangeait plein de soja, elle voulait savoir. Et si ça valait, si c'était à cause de ça? Lady Gaga, sain en gants de toilette. C'est une recherche aussi qui a été faite sur Google. Comment est le sexe des crocodiles? Ouais, les gens qui s'intéressent à des trucs très très intéressants. Et j'en ai une pas mal aussi. Pourquoi les héros de manga ne sont-ils jamais décoiffés? C'est pas con comme question. Ah ouais, c'est vrai. Pourquoi les héros de manga ils sont pas décoiffés? Il y a des mecs qui se posent des questions cheloues. Des mecs ou des meufs d'ailleurs. J'ai retrouvé mon historique, regardez. Pourquoi Romano n'est jamais décoiffé aussi? C'est bizarre. C'est pas la même raison. Je suis chauve. Oui, alors que les mangas ils ont plein de cheveux de partout. Et après, t'as des dégueulasses aussi qu'on fait des recherches. Oui, ben justement, voici nos trois premières recherches. Des pires recherches sur Google dans la copile du morning. Numéro 3. Alors, celle-ci, elle est pas mal. Comment lancer une recherche sur Google? C'est pas con. En numéro 3, je pense que c'est pas mal. Donc le mec fait quand même une recherche sur Google et demande. Je suis sûr qu'il y en a qui demandent. Comment lancer? Non, mais tout ça, c'est vrai. Ah ouais, non, mais. C'est vrai, ça m'étonne pas. Hein. Comment lancer une recherche sur Google? Non, mais tu sais, je pense les vieux qui viennent à Bordeaux, ils comprennent rien. Ouais. On passe au numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Alors attention, là, c'est plus chaud. Photo de cuisse de mamie. Oh, oh non, ça me dégoûte, moi, ça. Photo de cuisse de mamie. Ah ouais, putain. C'est mignon, hein. Ah ouais, c'est mignon, ouais. Mais attention, le numéro 1. Numéro 1. Que je dédicace à Carriole. Ah, pourquoi? Toi qui aimes les animaux. Mm-hmm. La recherche qu'on a mis en numéro 1 de notre compile du morning, c'est Quéquette de caniche. Ah, mais c'est ma recherche! Quéquette de caniche. Ben, y a des gens qui tapent Quéquette de caniche. Moi, je pense savoir pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, peut-être que leur caniche, il avait un problème au sgeg. Et les gens, ils ont recherché. Non, mais c'est possible. Ils ont marqué, marqué quéquette de caniche. Genre un bouton ou un truc comme ça. Ils ont tapé, ils ont regardé ce que c'était. Ah, les gens sont forts. Quéquette de caniche en 1. Photo de cuisse de mamie en 2. Oh. C'est pas mal. Et comment lancer une recherche sur Google en 3. Pas mal. C'est notre compil. Ah, il y a des champions. Ouais. Tous les matins, notre compil. Bon, elle était pas mal ce matin. Bon, ben, l'émission était bien aussi. Hein. Mais c'est pas fini. Bah non. La dernière ligne droite arrive. Vos places pour Joule aussi tout de suite. La tournée de Joule. Vous voulez avoir vos places, vous voulez aller voir Joule en concert avec Skyrock, eh bien on a vos places à vous filer. Au 7-20-20, vous envoyez roulette et on fait tourner la roulette, la première de la journée, la première de la semaine, elle est pour vous. Vite, vite, vite, roulette au 7-20-20 et on se retrouve en direct dans le morning sur Sky et avec vos places pour Joule. Bonne chance à vous, il est 8h57. Et la famille. Quand Soprano sort son nouvel album, il choisit Skyrock pour te le présenter en exclu. Ouais, ouais, c'est Soprano. Pour sa nouvelle tournée qui démarre le 8 mars 2017 en France avec Skyrock. Planet Rap. C'est Soprano dans Planet Rap. Soprano, tous les soirs dès 20h.

Passe-moi les mains, ça m'a cousa, FLO, Mara, Salvatrucha. Négro n'a pas vraiment de shot. Le boulet plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pour toi, j'ai formule adéquate. Hyperkick de gauche et droite. Tyson Gribord de bombardier, j'vais te casser le dos. Et la branche a trop accéléré. Elle a gâté le roi. Je suis pirate, donc loup de mer. Je peux te montrer les crocs. Direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Oui, on est en direct et on est avec Loïc de Nancy qui est au téléphone avec nous. Il s'inscrit pour la roulette et il a été tiré au sort. T'en as de la chance, Loïc. Salut Loïc. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour Loïc. J'aime bien comment on dit oui du côté de Nancy. Vous dites oui et comment que c'est aussi. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, comment que c'est? Ah non, ça va et vous? Ça veut dire comment ça va en ancien, hein? Enfin, on l'aura en voilà. Général. C'est ça, ouais. Bon, bienvenue à toi Loïc. Tu fais quoi dans la vie? Présente-toi un petit peu. Eh ben, là-bas, je suis rechargé du travail et puis sinon, voilà. Eh ben, t'es le deuxième à chercher du travail aujourd'hui. Je lance l'appel. Tu cherches dans quoi, toi? Dans le commerce. Dans le commerce. Vous voulez faire du commerce avec Loïc. En tout cas, vous avez une place dans le commerce. N'hésitez pas, vous nous laissez vos messages au 41759 et sur l'appli Skyrock. On sait jamais, ça peut servir. Sans problème. On est aussi là pour ça, mais on est là pour la roulette, hein, Loïc. Oui. Joule. C'est Joule. Skyrock t'offre Joule en concert dans la ville de ton choix. Joule sur Skyrock. C'est Joule sur Skyrock et Joule en concert avec Skyrock, évidemment. Les places sont à gagner tout au long de la journée. Vous faites tourner votre roulette et toi, tu l'as fait tourner. Faut surtout l'arrêter maintenant, Loïc. Tu dis stop quand tu veux. Stop. Attention. C'est pour Loïc, les deux places. Mais oui, c'est pour Loïc, les deux places. Deux places de concert pour toi, tu vas y aller Loïc, bravo. Ah bah ça fait plaisir, merci beaucoup, c'est gentil. Eh bah écoute, c'est fait pour Loïc. Le concert de Joule, c'est Amnéville, au Galaxy d'Amnéville pour toi. C'est la ville la plus proche, hein. Je te prends celle-ci. D'accord, bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Bah je t'en prends deux, des places, comme ça. Allez, tu pourrais y aller parti. Avec qui tu veux. Tu veux y aller avec qui d'ailleurs? Tu ramènes qui? Ah bah un ami sûrement. Eh bah très bien. Parfait, profite bien en tout cas du concert et tout au long de la journée. Merci bien, ça fait plaisir. Bonne journée à vous. Loïc. Bonne journée à toi et merci de te réveiller avec le morning sur Sky. On t'embrasse. Merci. Ciao Loïc. Ciao. Vous avez bien fait de vous réveiller avec nous aujourd'hui. On a fait plein de choses. Ouais. Hein, ça fait plaisir. Ah bah oui, Loïc, je comprends, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi ce matin à Yacine qui a gagné 1 500 € du côté d'Orléans. Bravo Yacine. On a offert aussi à Mérignac chez Ludovic. Ouais. C'est tombé chez Ludovic. Attends, Mérignac, non, on n'a pas été. Ah non, c'est à Caen que c'est tombé. Ouais, non, Mérignac, c'est pas tombé. Ah oui, Mérignac, on est tombé sur un répondeur, c'est vrai. C'est tombé à. On a appelé Mérignac. À Caen, voilà, c'est Flavie. Je me disais, il y a une fille qui a gagné ce matin. La belle Flavie, elle a gagné ses 1 500 €. On a offert vos iPhone 7. Et puis, on s'est bien marré ce matin. Mais c'est pas fini, parce que le zap du morning n'est pas passé. Et tant que le zap n'est pas passé, le morning continue. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin depuis 6 heures? Écoutez bien. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. Lolo, il est dans le coin? Non, il est parti travailler. Ah, parce que je devais lui livrer de l'herbe là. Que j'ai... on a déjà tout fumé, nous. Ah, vous avez déjà tout fumé? Bah, justement, on en a, nous. Bah, là, j'en ai de la toute bonne, toute fraîche qui vient d'Amsterdam. Je viens d'arriver. La femme à Lolo, je vais arriver dans 5-10 minutes là. Je te fais une bonne part pour 100 balles. Bien servi, comme on dit. Ok, Sista, c'est comme ça que tu l'appelles. Bien viscère, Sista. Quand une femme voit un homme à lunettes, elle pense. Elle pense quoi? Qu'il est? Quelques petits adjectifs. Sexy? Ah, très intelligent peut-être. Bien joué Romano, intelligent. Séducteur. C'est mon cas. Et ambitieux, oui, car tu as des yeux aussi. À lunettes, toi aussi. Ouais. Et quand un homme voit une femme à lunettes, il pense qu'elle est sexy, intelligente qu'elle et sexy. Qu'elle aime la quéquette. C'est parti, Christian, Nikos, réveil de stars. Bon, on se réveille, les stars aussi. Et Christian et la famille aussi. Allô? Bonjour. Bonjour. La chanson française, c'est ton truc? Bah, bien sûr. Tu les connais toutes, les chansons de Balavoine? Si, je vais tout casser. Si vous touchez aux fruits de mes entrailles, fallait pas qu'elle s'en aille. Oh. Lui, il chante du My Bank, là. Waouh. Allez, vas-y, tu chantes. Toute vie. Laisse-moi t'aimer. Vous êtes une jolie famille. Bisous. Salut à tous. Dis-moi, quelle est ta radio préférée, Yacine? Skyrock. Allez, c'est gagné, Yacine. Bravo, Yacine. Bravo. C'est cool de nous écouter le matin. Et bah, c'est cool de gagner aussi 1 500 €. T'as gagné, Yacine, ça y est. Eh ben, ça fait plaisir. Alors, on va te poser la question tout de suite, Flavie. Hein. Oui. Ah, ça serait bon de gagner 1 500 €. Ah oui, ça serait bien, oui. Hein. Eh ben, il faut me dire, quelle est ta radio préférée, Flavie? Skyrock. Et tu as gagné 1500 €, Flavie. Ouais, c'est super, merci. Bravo, Flavie. Flavie qui filait en Hollande voir le match des Bleus. On l'aura ce soir avec nous dans la Radio Libre, Flavie. Ouais. Flavie et Julien, le copain, c'est ça hein? C'est ça, ouais. Le couple, ouais. Bravo, 1500 € pour vous. Ils s'étaient inscrits sur le 7-20-20. Ils avaient envoyé 1500 au 7-20-20. Ouais. Faites la même chose, hein. Vous vous inscrivez maintenant. On vous appellera peut-être demain matin. 1500 au 7-20-20 pour gagner vos 1500 € et augmenter vos chances de gagner. Sinon, si vous êtes vraiment feignant et que vous voulez pas envoyer 1500 au 7-20-20, ça marche aussi, hein. Sans problème. Ouais, ouais, on vous tire au sort dans l'annuaire, dans tous les annuaires, les fixes, les portables, partout, partout. On appelle, vous répondez Skyrock et c'est 1500 € dans la poche. Et puis, une des infos de la matinée, c'est quand même l'entraîneur norvégien qui veut récupérer le sperme de Ronaldo et d'Ibra. Ouais. Ouais. Ouais. Pour l'inséminer aux femmes des joueurs de son équipe. Et dans 20 ans, faire la meilleure équipe du monde avec des espèces de clones de Cristiano Ronaldo et d'Ibrahimovic. Bravo l'entraîneur norvégien. Ouais. Non, mais c'est bien, il a de l'imagination. C'est un entraîneur, mais c'est un peu Dr Maboul aussi, vous savez. Ouais, c'est ça. Il veut faire des expériences. Donc ça, on a fait dans Info ou Mytho tout à l'heure. Très bien ce morning. Je sais pas ce que t'en as pensé, Fred, mais on a bien démarré la semaine, nous. Je crois que ça attaque très fort. Ah, merci Fredo. De rien, comment ça va? Il est bon ce Fredo. Bonjour Fred, ça va et toi? Bah ouais, en pleine forme. Bah nous aussi en pleine forme. On a passé une bonne matinée, on va passer une belle soirée ce soir parce qu'il y a du foot et on aime beaucoup les soirées foot. Allez les bleus, allez les bleus. Pronostic Fred? Oh bah là, un 2-3-0. Hein. Vas-y, carrément. Donc tu penses que la France va gagner? Bah évidemment. On a lancé un sondage sur tous les réseaux de Skyrock ce matin, sur Facebook, sur Snap, sur Insta, partout, partout, partout. Et on vous a demandé qui va gagner. Vous avez voté depuis 6 heures. 79% pensent que la France va gagner. Ouais. C'est bien parce que vendredi, vous aviez dit la même chose, vous n'étiez pas trompé. Un match nul pour 12,5% et les Pays-Bas à 8,5%. Donc on est très, très, très, très, très favoris dans cette histoire quand même. Allez les Bleus! Ah, on peut dire allez les Bleus et ce soir, on suivra ça juste après un gros, gros Planète Rap cette semaine. Avec Sopra qui débarque et son album L'Everest. Soprano ce soir dans Planète. Ça y est, tous les soirs de la semaine et vendredi, on finira en beauté au Vélodrome. Et on a commencé l'émission avec le nouveau soprano d'ailleurs, qui s'appelle L'Everest. Qui s'appelle L'Everest. Et tu pourras ça dans la matinée, Fred. Avec la petite Marina Kai. Exactement. Kai, voilà. Donc on réécoutera ça dans la journée, le nouveau Sopra. Et puis donc Sopra toute la semaine dans Planète Rap, vendredi, en direct du Vélodrome, l'émission. Oui, en direct du stade. Ah, ça va être incroyable. Tu vas te retrouver dans le stade Vélodrome qui sera tout à toi et à Soprano. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça qui va être bon. Alors Samy m'a déjà fait les commandes, faut que je ramène de la pelouse. Ouais, donc tu vas. Il m'a dit le rond central, essaye de me choper. Il faut que tu me chopes le rond central, il faut que tu découpes un bout de pelouse. D'accord. Bon, s'il y a d'autres demandes, dites-moi. Bah ben, vous demandez, Fred sera vendredi, hein. Si vous voulez un banc, un truc. En direct du Vélodrome. Siège. Un siège pour mon salon. Le toit du Vélodrome. Demandez-moi, je démonte tout vendredi. Passez les commandes. Donc vendredi en direct du Vélodrome. Mais dès ce soir, Soprano qui débarque dans Planète Rap. C'est entre 20h et 21h. Juste avant la grande radio libre, la nôtre. À partir de 21h et jusqu'à minuit. D'ici là, bah, profitez bien du son de Skyrock. Des nouveautés, des exclus. Et évidemment des grands classiques, Fred. Tu as tout ça pour j'ai nous. J'ai tout dans ma besace. Merveilleux. Eh bien, c'est parti. Tiens. Profitez bien, on revient tout à l'heure à partir de 21h. Et puis demain matin, entre 6h et 9h, on se réveille ensemble. Merci pour cette matinée, on vous embrasse, tout à l'heure. Ciao. Et à toutes, c'est parti pour le son de Skyrock. Bonne matinée, bon lundi, j'espère que le week-end a été bon pour vous. Tiens, dites-nous, envoyez un petit message. Et le son sur Skyrock, c'est reparti aussi. Rap R&B en non-stop avec DJ Snake et Justin Bieber, c'est Let Me Love You. To believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Let me love you. Let me love you.

Nouveauté Skyrock. Son qui s'appelle 24K Magic et un nouvel album pour Bruno Mars, ça y est, c'est annoncé, c'est le 18 novembre prochain et on en reparlera bien évidemment sur Skyrock. Bougez pas, retour du son dans quelques minutes, dans une petite heure maintenant, la roulette qui va tourner cette semaine, encore plein de places à choper pour la tournée de Jul, 4 dates au mois de décembre avec Skyrock qui va passer du côté d'Amnéville, du côté de Nantes, Marseille évidemment et au Zénith de Paris. Jul a chopé d'ici une petite heure, vous envoyez roulette au 72020, on fait tourner sur Skyrock. Et on écoutera Pitbull dans un instant. Pitbull et Florida pour Green Light, ça arrive juste après ça sur Skyrock. The morning.